Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 36, enregistré le 12 décembre 2017. Je suis Axel, votre hôte durant ce podcast, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes deux co-hôtes habituels. Donc en commençant par Eddy, salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Nickel, enfin, comme tu l'as dit, c'est pas. Question réponse. Je suis pas sûr à 100%, mais. ça va. Bon, alors, et du coup, Morgane, salut. Salut. Comment tu vas ? Bien, je vais très bien. Très bien. Et. Un petit hommage pour Johnny. Fallait qu'on en parle, on n'en parle pas assez en ce moment. D'accord. Oui, c'est clair qu'on n'en parle oui, pas alors assez. Alors, on fera pas d'hommage dans le podcast, hein. Voilà. Non, il y aura pas de chanson. Il y aura quelque chose en nous de Tennessee. Oui, alors voilà, ça y est, l'hommage est terminé. Voilà, hein. Merci. Donc, on voilà. On mettra des time codes pour éviter ça. Rock'n'roll ! Pardon. Bref, quand même, tu fais pas très. Enfin, tu. Il y a Adrien. Ah oui, Je sais plus ce que je disais. Attends, je sais, j'en me mets larmes parce que c'était beau quand même. Encore meilleur que Johnny Hallyday. J'ai vraiment été perturbé par Johnny Hallyday, c'est l'esprit qui m'a envahi là. Donc, notre invité habituel, Adrien, comment tu vas ? Ça va très bien. Ben, c'est parfait, ça fait plaisir. Prêt à en découdre, tel Batman et Superman dans le Super. Exactement, c'est une transition parfaite. Ouais, je vais peut-être d'abord faire le sommaire. Ouais, mais quand tu vas parler, on va te couper numériquement, comme la moustache d'Henri Cavill, dap. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle parce que moi j'ai toujours pas compris ce problème de moustache. Parce que je vous expliquerai rapidement. Voilà, merci. Parce que je l'ai pas vu durant le film, hein, je m'y mais attendais. Mais moi, heureusement qu'il y a une non, polémique, je vous dirai un petit, marqué, oui, je vous dirai le petit point technique si vous voulez. Ok, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? On a le sommaire. Du coup, on va parler dans la select, comme vous avez pu le deviner, on va parler de Justice League principalement. Après, je sais pas, Morgane, il va peut-être parler d'autres films, mais j'ai déjà oublié, donc c'est pas grave. Oui, c'est... en fait, j'avais des films. Ils sont pas très intéressants. Oui, ils voilà. Sont plus intéressants que toi, mes films déjà. Le bonhomme de neige, c'est oui. Plus intéressant que moi, je te remercie. Non, je voulais parler de Marvin ou la belle éducation que j'ai oh bien non. Aimé. Voilà. Si c'était bien. Mais... Oh non. Oh okay. Bah d'accord. Voilà, okay. On me censure. Non, non, mais. Bah, parlons de Johnny Hallyday alors, vas-y. Non, on va non, non, de mais. Donc, voilà, Le Bonhomme de Neige et Marvin et la Bonne Éducation. Voilà pour Morgane. Et puis, pour Eddy, peut-être Mother. Je sais pas si oui, tu voulais bah, en parler si ou pas. Voilà, si on a le temps. C'est vraiment si on a le temps. Comme vous pouvez le deviner. Par la façon dont on s'exprime, c'est qu'il est très tard. tous une voilà. Journée de taf dans les pattes. Hein, voilà, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, pour le film du mois, on a choisi Coco. Mais du coup, Adrien nous quittera puisque lui, il n'a pas vu Coco et il parce voulait juste qu'on. Pas Pixar. Il voulait. Non, il aime Pixar, j'imagine. Oui, il aime Pixar, mais il aime pas il les aime Cars les vôtres. 3, s'il vous plaît. Cars 3. C'est bref. Pas mal, Cars 3. Et en fait, il fallait qu'on parle tous ensemble de Justice League parce qu'on a des avis assez opposés. Donc voilà. Bah oui, c'est bien. Tiens, sur mon on est souvent d'accord. Je suis du côté des gentils. Bah oui. Non, mais c'est. Non, mais c'est très bien. Mais il veut se faire. Mais là, il est en train d'acheter la ferveur de nos auditeurs. Là, faut arrêter. Hein. Vous faites pas avoir. Il est pire qu'un politicien, ce mec-là. Dire, il vous ment. Il vous manipule. Bref, Eddy, tu voulais dire quelque chose ou pas ? J'ai cru entendre que tu voulais dire quelque chose. Non. Non, d'accord, parce que j'ai cru entendre que tu voulais dire sur Movies Nerd et après t'as été coupé ou quelque chose, mais bref. Ah non, pas du tout. Ou okay. Alors c'était pas intéressant parce que je m'en rappelle plus. Donc, c'est pas grave. Film du mois Coco. J'y trouve de la mémoire immédiate. Et du coup, la Minute Nerd, ce sera pour toi, Eddy. Tu sais pas oui, encore de oui, quoi oui. Tu vas parler. C'est censé être pour moi, hein. C'est voilà. Pas gagné encore. C'est pas encore sûr. On verra quand ce sera le moment. On est voilà. Très organisé. Oui, c'est, bah, vous pouvez le voir, hein, ça s'entend. C'est un peu la one again ce soir. Bref, voilà, mais c'est même trop. Dans la voix, un peu la one again. Bref, ah voilà. Là là. Je crois qu'on il est passé... aussi défaillant que le montage de Snyder. C'est fou. Oups, je pense qu'on va passer tout de suite. Puisque oui, Morgan. À propos de montage, là, j'en connais un qui va avoir du boulot. Voilà, après, je vais en avoir beaucoup et ouais, je vais encore être fainéant. Je vais pas vouloir le monter. bref, on va passer tout de suite à la Selec. Donc on est à la première rubrique de ce podcast qui s'annonce assez grandiose. Je mets la barre très haute là. Je pense qu'ils vont être très déçus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on va parler de Justice League, un film. Voilà. Un film qui est sorti je sais plus quand. C'est rare qu'on parle de cinéma sur cette émission. Ouais, le 15 novembre 2017 en France, voilà. Qui a été réalisé par Zack Snyder et re-shooté par comment il s'appelle voilà. Joss Whedon. Voilà. Y a un casting assez dingue comme Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, les habituels bien sûr, et on découvre aussi Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Ezra Miller, c'est vrai que je suis désolé. Dans des rôles, on les retrouve. Il y a Ezra, c'est l'anagramme de Raz. Voilà. Amy Adams, donc voilà. Jeremy Irons, non mais je commente pas. J.K. Simmons dans le Commissaire Gordon. Enfin voilà, il y a pas mal de monde. Il y a plus de monde au casting que dans les salles pour voir le film. Pardon. Excusez-moi, j'avais envie de le faire. Je sais pas si ça s'entend, mais je me contiens. Non, mais c'est parce que je sais qu'Adrien est là et j'adore le taquiner, c'est vraiment de bonne guerre, voilà. Parce qu'il y a des qualités dans le film, j'en parlerai. D'accord. Comme vous avez pu deviner, Morgane et moi-même sommes d'accord. Adrien et Eddie. Axel qui essaie de bien enrober le truc. Bon, on est d'accord, c'est positif déjà. Voilà, c'est déjà un point positif, on est d'accord. Donc. J'ai envie de dire, tout le monde est gagnant à la fin. Adrien et Eddie sont d'accord. Donc, on va peut-être alors d'abord. Ça, je pense que tu peux vraiment le répéter plusieurs fois parce que ça, je pense que les gens ils ont pas très bien compris parce qu'ils doivent pas y croire. Là. Oui, Eddie et moi sommes d'accord. Voilà, oui. Sur un film. D'accord. Mais qui est sorti au cinéma. Mais j'étais jamais d'accord parce que ça me parle pas, moi. Les gens savent. Il faut pas leur mentir, hein, c'est pas bien. Je propose, puisque Adrien voulait absolument la parole. Je peux juste te faire un point. Moi, ce que je voulais en fait, c'est déjà que tu m'expliques toute cette histoire de moustache, parce que c'est un truc qui m'a captivé pendant le film. Sujet important du film. C'est un sujet important. Non mais on ne parle pas assez des moustaches. On parle pas assez des moustaches. Parce que les gens qui ont des moustaches sont stigmatisés. Moi, je suis contre ça. C'est important. La moustachophobie, elle est très. La moustache. Mais moi je milite pour la moustache. Voilà, la déforestation sauvage, rangez vos machettes. Voilà. Voilà, il faut en parler. Si jamais vous avez des témoignages, vous mettez hashtag balance ta moustache sur Twitter. C'est ça. Voilà, ça fait un tollé sur Twitter, sur l'interweb, que Henry Cavill aurait une moustache. On a vu ça, des images, etc. Moi j'ai vu les bonnes annonces et j'ai vu. Il me semble avoir vu les bonnes annonces et j'avais pas vu de moustache. J'ai vu le film et j'ai pas vu de moustache, alors où est-ce qu'il y a une moustache ? Non, justement, la question c'est où est-ce qu'il n'y a pas de moustache ? Alors, pour préciser un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage de Justice League, Henry Cavill était en tournage pour Christopher McQuarrie pour Mission Impossible 6. Et il se trouve que dans Mission Impossible 6, son personnage a une moustache. D'accord. Or, c'est parti sur une blague, en fait, et puis finalement, c'est devenu quelque chose de... une espèce d'affaire d'État... si vous voulez, où Henri Cavill ne pouvait pas raser sa moustache. Okay. Alors, ce qui s'est passé pendant le tournage de Justice League, c'est qu'il a fallu faire quelque chose. Donc, la moustache a été retouchée numériquement. Et il paraît que ça a coûté une blinde. D'accord. Ils ont dû effacer la moustache d'Henri Cavill pendant le film. Et ce qui passé sur Twitter après, c'est que comme les gens... personne ici, mais comme les gens aiment beaucoup taper sur DC et tout ce que tu veux, on a tapé là-dessus sur le film en disant que ça se voit énormément dans le film. Alors que ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'effectivement, la scène où on le voit au début, c'est un peu voyant qu'il y a un truc numérique pas clair sur son visage. Je l'ai vu, mais en fait, après, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des arrêts sur image. Mais ça, et comme évidemment, le les arrêts sur image, ça se voit. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, je voudrais bien savoir où ils ont téléchargé le film. Parce que moi personnellement, je sais pas faire d'arrêt sur image de cinéma, mais enfin, chacun ses techniques. Oui, bah oui, oui. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est cette histoire de moustache d'Henri Cavill, et ça montre bien qu'en fait, il y a des trolls qui s'évisent sur les réseaux. Et il y a quand même des problèmes. Ouais, franchement. Non, mais sans déconner, en fait, on a l'impression que c'est rien, mais c'était une espèce d'affaire d'État là-bas, puisqu'en fait, c'était quasiment contractuel. Henri Cavill pourrait pas virer sa moustache, et finalement, c'est là qu'on voit que tu as eu de la technicité. Une toute petite chose comme une moustache peut créer d'énormes problèmes financiers derrière, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est assez dingue. Voilà, franchement, je te remercie de m'avoir expliqué. C'était... parce que moi, je n'avais rien compris. Et pendant tout le film, je me suis dit, ah, peut-être à la scène post-générique, il aura une moustache ou quelque chose comme ça. Et finalement, non. Voilà, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que si on n'en avait pas parlé, s'il n'y avait pas eu de polémique, personne n'aurait rien vu. Ou alors, au début, on aurait bien vu que son visage a un peu retouché numériquement. Mais je pense que c'est beaucoup de but pour pas grand-chose, comme d'habitude. Quoi. D'accord. Très bien. Et ben maintenant, je vais peut-être te laisser la parole pour m'expliquer pourquoi t'aimes ce film. Je voulais répondre à Morgane. Ah, bon, tu voulais répondre à Morgane. Alors, non. Non, mais de toute façon, je pense que tu pourras lui répondre après. Et... Oui, t'as raison. Alors bon, moi j'y allais quand même avec un petit peu de... Non pas d'appréhension, mais c'est-à-dire qu'en fait on savait très bien, parce qu'il faut quand même parler... Je peux parler deux secondes, je vais continuer à rester sur les coulisses du film pour parler un petit peu de comment il s'est fait, parce qu'il faut quand même le savoir, je pense, pour le critiquer et pour en parler. C'est que c'est un film qui s'est fait dans la débâcle. Puisqu'en fait, voilà, on a d'ailleurs, l'impression tous les qu'on gens dit sont ça virés à chaque film Warner. Pardon ? Tous les gens ont été virés là, au moment où on parle. Tous les gens ont été virés au moment où on parle. Donc, Oui, alors ça, c'est pas fait du tout. Et moi, j'attends de voir parce qu'on dit tellement, d'âneries dans la presse américaine à ce sujet-là. Et c'est tellement repris. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vérifiées. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore arrivées. Moi, je dis attendons de voir, mais c'est un autre sujet. Pour la pré-production du film, on a l'impression que dans tous les films Warner, il y a des soucis de production. Ce qui est en général plus ou moins vrai. Par exemple, pour Wonder Woman, on disait que des âneries et le film est très bien sorti. Pour ce qui est de Justice League, il y a effectivement eu un problème. C'est qu'on ignorait que pendant le tournage, la fille de Zack Snyder s'est suicidée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, Zack Snyder a été, entre guillemets, viré du projet. Mais il n'a pas été viré, c'est lui qui a choisi de partir parce qu'il devait rester avec sa famille, ce qui est tout à fait normal. Et Joss Whedon a été... je dirais appelé par la production. Il faut savoir qu'en fait on le savait pas, mais il était déjà sur chez Warner depuis bien longtemps, depuis au moins quelques mois. Il travaillait déjà en tant qu'exécutif sur le DC Cinematographic Universe. Et donc en fait il a juste été appelé pour finir le film, entre guillemets. Donc déjà dire, j'entends partout dans la presse que Whedon a massacré le film, que Whedon a fait des retouches immondes sur le film, qu'il a violé le film de Snyder, qu'il a forcé des reshoots et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a juste été obligé de soigner un film qui n'était pas terminé pour les raisons de deuil du réalisateur. Voilà, ce qui n'empêche pas de critiquer le film, mais je pense qu'il faut quand même savoir comment il a été fait. Oui, c'est bien d'avoir le background. Et donc, en partant sur ce background-là, parce que je trouve ça quand même toujours très important de savoir comment les films sont faits, je suis allé voir le film forcément avec de l'appréhension, parce que moi je suis très fan de Snyder, je suis un peu moins fan de Whedon, mais j'aime quand même beaucoup ce qu'il fait sur ce qu'il avait fait notamment chez Marvel. Donc j'y allais avec une espèce d'attente, je ne savais pas trop ce que j'allais voir. Et j'en suis sorti assez satisfait, c'est-à-dire que c'est pas un grand film, clairement pas. C'est pour un film de Zack Snyder, entre guillemets, même si c'est plus compliqué que ça, c'est probablement sur moi mon film, très clairement. Oui. Moi, je suis très fan de sachant Snyder, que tu es très fan de Zack Snyder, il faut sachant que je suis très fan de Snyder, je suis pas du tout du genre à cracher dessus. Pour moi, c'est un excellent réalisateur qui a un sens de l'iconisation formidable et qui a un espèce de moyen de faire tout passer par l'image, rarement dans les dialogues. Pour moi, c'est vraiment un réalisateur formidable. Et donc, pour ce film-là, on sent bien que finalement, il n'était pas complètement dedans, ce qui est le cas, et que c'est pas complètement son œuvre. Donc, c'est un film qui est moins iconisé, même quasiment pas. En fait, je trouve que là où ça diffère vraiment des autres films, et on voit bien que c'est pas que lui qui l'a fait, c'est que c'est un film qui est très sobre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas de gros, il y a des enjeux, mais il y a pas des espèces de gros enjeux, si vous voulez, politiques. Il y a pas des espèces de par exemple, comme dans Batman contre Superman, s'il s'agit de sauver le monde, mais il s'agit toujours de sauver le monde dans ces films-là. Donc là, en l'occurrence, c'est un film qui est finalement assez rigolo. Il y a plusieurs vannes très bien, je veux dire Ezra Miller pour moi Flash il est formidable, c'est vraiment, du point de vue du divertissement, c'est vraiment, on sent que c'est un film qui est calibré, mais on sent que c'est un film qui est quand même fait avec un peu de passion derrière, on sent que Whedon comme Snyder, même si Whedon pour le coup a fait vraiment fait le faiseur sur le projet, il a juste apporté ce qu'il pouvait apporter, ce qui était vraiment très limité vu le temps. Il est noté en tant que scénariste. Il est limité en tant que scénariste aussi, voilà, il y avait tellement, en fait il y a tellement de problèmes de production que pour moi c'est déjà quasiment un miracle que le film soit sorti, et que finalement, il se tienne. C'est-à-dire que c'est pas un grand film, il y a plein de choses qui vont pas. On en parlait tout à l'heure, la moustache au début, voilà, ça se voit un peu. Il y a des problèmes à la con comme ça de production. Il y a Steppenwolf, le full CGI, moi je suis pas convaincu. Il y a des soucis du point de vue de parfois de la mise en scène, du point de vue de la manière dont s'enchaînent les scènes, du point de vue peut-être du manque de fond politique. C'est vrai que ça tranche beaucoup avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Et en même temps, il y a une continuité. Et je vais arrêter parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais en même temps, il y a une continuité, c'est-à-dire que c'est un film qui passe après Batman contre Superman, où Superman voilà, est clairement mort. Je pense qu'on peut spoiler Batman contre Superman à ce niveau-là. Batman est clairement mort, et donc là, pour Justice League, on a... Superman est mort, et on a Superman qui revient, et la manière dont c'est fait, je trouve, est plutôt bien faite, dans le sens où on a vraiment un passage vers la lumière, donc je pense qu'il y a une continuité thématique quand même. D'accord. Mais après, voilà, c'est pas un film que je retiens particulièrement. C'est un bon petit film de super-héros, très divertissant. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison, voilà, de scénarier particulièrement sur le film. Mais on en reviendra plus tard, vu vos réactions. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à la défense. Morgane. C'est plutôt l'attaque. L'attaque. Pardon. Je m'y connais pas trop en juridiction, pardon, mais voilà. par rapport à toi. Donc, Morgane, vas-y, explique-moi pourquoi t'as pas aimé ce film. J'ai pas aimé parce que j'aime le cinéma. Non, je déconne. non, alors par contre, je vais juste dire un truc. Adrien, tu dis pour la moustache, une fois que, enfin, on la remarque pas vraiment. Honnêtement, je ne me souvenais plus du tout parce que je traîne pas vraiment. Enfin, je m'attarde pas sur un film qui ne m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que Justice League ne m'intéressait pas, donc je me suis pas attardé dessus. Et quand j'ai vu la scène d'intro, parce que c'est la scène d'intro qu'on se prend dans la gueule, cette retouche numérique, je n'ai vu que ça. Et ça m'a sorti du film direct. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu effectivement qu'il y avait une histoire de... Voilà, mais pour moi, c'est pas un petit détail. Pour moi, ça flingue déjà un film qui... Enfin voilà, déjà, c'est très pénalisant. Voilà. Mais en soi, je me sers pas de ça. Non, si mais attends, c'est film, une scène. Même moi mais qui... il me semble qu'il y en a deux, non? Enfin, ouais. Non, il y a une scène où ça se voit beaucoup et le reste, les gens ont fait des arrêts sur image, mais ça se voit pas dans l'action. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est con que ce soit la première scène où ça se voit beaucoup. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui m'embête avec ce film-là, et autant j'aime bien en rire parce que voilà, Adrien, c'est pour le taquiner. Mais moi, en fait, je trouve que, enfin, je n'aime pas le film et je trouve ça désolant parce que pour moi, la mauvaise réception critique de Batman versus Superman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, moi, effectivement, j'aime ce film. En fait, c'est un film qui allait au bout de sa démarche. Qui n'a pas hésité à trancher avec ce qu'on voyait dans le genre, qui allait au bout de ses idées, qui adoptait voilà, une narration, un rythme bien particulier. Ça a déstabilisé plus d'une personne, mais en tout cas, c'était un film libre. Et c'est pour ça que c'est un film respectable. Et je trouve que la mauvaise réception critique de BVS a eu raison. Et du coup, ce film monumental qu'aurait pu être Justice League a été malheureusement passé à la moulinette, complètement édulcoré, a été, c'est un film qui a été fait, refait, charcuté, retravaillé. Ouais, déjà, est-ce qu'on peut tous être, enfin moi je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il sorte beaucoup trop tôt dans la timeline d'ici. En plus, déjà. Ah oui. Mais le problème c'est que, par rapport à BVS, c'est que, voilà, qu'on aime ou pas BVS, peu importe, mais au moins de reconnaître, objectivement, c'est un film qui avait de la consistance, qui avait de la matière et qui proposait quand même quelque chose, tant sur le plan visuel que sur le plan narratif. Et le film n'a pas plu à cause de ça. Enfin voilà, les gens ils sont peut-être ont été déçus. Il y a eu des tollés anti BVS qui étaient totalement injustifiés pour moi. Et du coup ça, à cause de tout ça, voilà ce qu'on a eu. On a eu un film qui aurait pu être dantesque, qui aurait pu être un grand film mythologique. On se retrouve avec un blockbuster pour moi, mais qui est bas de gamme au possible, qui propose un spectacle qui est sans saveur, qui est lisse et qui est totalement charcuté. Enfin, tant au niveau des personnages, et d'ailleurs tu l'as bien dit, t'es plus dur avec le public que moi, c'est intéressant. Mais bon, comment? Voilà, vas-y, continue. Non, je trouve ça intéressant parce que t'es plus dur avec le public que moi, parce que pour moi c'est pas de la faute du public. Ah mais, ouais. Mais continuons, mais oui, continuons, on en parlera si tu veux. Bah, pour moi, c'est la faute du public, et du coup, les studios ont entendu un peu ce que mais voilà, c'est ça, mais vas-y, continue. Ouais. Voilà, c'est ça le truc, enfin, c'est un effet domino, quoi. Et le souci, il est là. Donc, moi, j'étais déçu parce que je m'en foutais, parce que je savais que ça allait être foutu d'avance. Je m'en doutais que, de toute façon, le film, en plus, avec ses histoires de reshoot et tout, même si, bon, on va quand même le dire, les reshoots, c'est pas neuf dans l'histoire du cinéma. Les reshoots, ça se fait sur tous les blockbusters, c'est pas compliqué. Voilà, sur tous. Ouais. Oui. Rogue One avait des reshoots. Alors, si Rogue One a des reshoots et que ça se passe aussi bien, moi je veux des reshoots sur tous les films tout le temps. Ah bah non. Justement. Oui, c'est vrai, j'ai aimé Rogue One, mais je suis pas dithyrambique. Je préfère Star Wars 7, contrairement à d'autres. Du coup, voilà, quand tu disais, Axel, que c'était trop tôt, oui, je suis d'accord. Parce que ce qui fait que j'ai, on va dire, un peu apprécié le film, c'est la présence de Wonder Woman. Je trouve que tous les plans iconiques, tous les meilleurs plans, toutes les meilleures scènes, c'est les scènes où elle est présente. Parce que t'as pu avoir un film. Parce que avant. J'ai pu avoir un film solo qui était excellent. Voilà, j'ai adoré le film de Patty Jenkins, vraiment. Du coup, ça m'a permis de me familiariser avec le personnage, de la comprendre, de mieux la cerner, et à ce moment-là, de complètement l'intégrer dans la team. Par contre, j'ai pas eu de film Aquaman, j'ai pas eu de film sur Flash, et du coup, bah, ces personnages-là m'ont paru totalement. Enfin, j'ai trouvé qu'Aquaman était très mécanique, en fait, voilà, et Flash, insupportable possible. Alors lui, pour le coup, on sent totalement, alors déjà qu'Ezra Miller, déjà j'ai du mal avec lui, je trouve que c'est un peu, je le mets dans la même case que James Franco, que tout ça, c'est vraiment les acteurs qui font des caisses, quoi, enfin, et surtout là, quand les gens parlent de Marvelisation, j'ai envie de dire que la Marvel, ça ne va qu'à Marvel. J'attends pas d'un film d'ici que ça me propose un truc avec des héros qui se font des blagues entre eux. Ça marche que chez Marvel, et c'est pour ça que j'aime Marvel. C'est parce que voilà, ça me plaît, c'est pour ça que j'attends Avengers. Moi, j'ai envie de voir Thor qui va vanner Captain America, c'est ce que je veux voir. Mais j'attends pas de voir Flash faire des blagues à Wonder Woman ou faire des blagues à Aquaman. C'est pas ça que j'attends. Mais c'est dans le personnage, je sais pas comment dire. Je sais pas pourquoi c'est des choses. T'as fait la comparaison avec Marvel, c'est intéressant. Je pensais que c'est moi qui allais la faire. Mais je veux dire, quand ça te dérange pas, quand Tom Holland dans Spider-Man fait des blagues aux autres. C'est partie intégrante du personnage de faire des vannes. Moi, c'est plutôt Aquaman qui me dérange dans ce sens-là. C'est pas Flash. C'est l'ADN du personnage. Oui, mais c'est oui à la limite, mais surtout tout le monde est concerné dans ces cas-là, parce que même Batman, excuse-moi, je le trouve du même niveau que le Batman campé par George Clooney dans le film de Schumacher. Non, mais vraiment, ça, c'est un truc qu'on a entendu des dizaines de fois. Non, je te jure que c'est vrai, et je vais même dire un truc. Autant je trouve que Ben Affleck dans BVS proposait pour moi le meilleur Bruce Wayne, mais alors je peux te dire que, et c'est pas de sa faute, je l'ai dévalué dans celui-là. Tellement je trouvais que ce personnage qui était torturé, qui était hanté, qui avait une profondeur, une douleur, et c'est, le personnage était magnifiquement construit. Et là, après, c'est pas un défaut de Ben Affleck en soi, c'est un défaut de réalisation, c'est un défaut de direction d'acteur. Pour moi, c'est un film qui a été détruit par des studios, et je peux pas attaquer le film. Ce serait vraiment tiré sur une ambulance, et vu l'état du film, c'est tiré sur un corbillard, clairement. Donc, je vais pas dire le film est mauvais, parce que voilà, mais pour moi, le film, il est mauvais malgré lui. C'est pas ça que le film aurait dû être. C'est vraiment pas ça. Quand on voit que, il me semble, tu me dis si je me trompe pas de rien, c'est George Miller qui devait s'en charger il y a quelques années, je me dis, mais ça aurait été quoi? Moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, mais c'est pas toi particulièrement, mais je trouve qu'il y a énormément, je sais pas pourquoi c'est sur ce film, enfin, je veux dire, cette année, il y a eu tellement de films. Où il y a des icônes qui ont été massacrées ou incomprises. On a eu le Alien de Scott, espèce de daube infâme. Là, on a eu le Spider-Man, bon, on n'est pas d'accord dessus, mais on a eu même la planète des singes qui a été adorée. J'ai l'impression que les gens n'ont jamais vu la planète des singes de leur vie pour trouver que c'est bien. Mais je trouve qu'il y a une telle incompréhension des mythes à Hollywood en ce moment que je comprends pas pourquoi ce film, qui certes est léger, certes raconte peut-être pas grand chose de très intéressant d'un point de vue politique par rapport au film précédent, mais je comprends pas pourquoi finalement, ce film qui est finalement dans sa forme un petit peu comme les anciens comics, voilà, plutôt les mauvais d'ailleurs que les bons, je suis assez d'accord, ouais, mais ouais. qui racontait voilà une histoire très simple avec un méchant qui va juste sauver le monde et qui voilà, on va l'affronter, c'est un peu con et un peu des blagues, machin truc. Je comprends pas pourquoi on embête ce film, parce que c'est un film qui, au-delà des problèmes de production et de ce que ça aurait pu être effectivement un grand film. Mais parce qu'on est en 2017. Qui... Mais d'accord, c'est ça, parce qu'on est en 2017. On n'est pas en 1990. Mais je vois pas en quoi c'est interdit de faire des films de super-héros classiques, d'être en 2017. Mais c'est un film classique, c'est... ça qu'on a là. Oui, mais c'est qu'on en a vu tellement. C'est qu'on en peut plus. C'est que. Enfin, on n'en a pas vu tellement, je trouve pas. Je trouve que, qu'on a plutôt eu une ère de post-cynisme avec Marvel quand même depuis des années. Avant, on a eu les Nolan, avant, on a eu les Burton. À part les Spider-Man de Rémy et encore, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de films de super-héros classiques à l'ambiance pulp, moi. Je trouve qu'on en a pas eu beaucoup. Si j'en dans ma tête là, peut-être les Superman effectivement de Donner et ceux qui sont sortis un peu dans les années au début des années 80. Ensuite, on a eu la phase Rémy, Burton, machin truc qui était que par des auteurs. Après, on a eu Nolan. Après, on a eu la phase post-cynique avec Marvel et DC ensuite qui a fait des films un peu sombres. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de films super-héros pub classiques. Ouais, ça m'a fait un peu du bien de voir ça. J'avais rarement vu ça au cinéma là quand même. Alors effectivement, ça peut sembler un peu ringard, mais je trouve que la manière dont c'est fait, moi, ça me convient bien de voir un film comme ça. S'ils font pas que ça, s'ils font aussi d'autres films à côté, moi qui sortent un film comme ça un petit peu tous les deux ans ou entre deux films pour passer le temps entre deux gros films, moi ça me convient très bien de voir un film comme ça. Je trouve qu'on en voit pas assez souvent. D'accord, ok. Morgane, tu voulais continuer du coup? Oui, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on est en 2017, mais le problème c'est qu'on n'a pas laissé le temps. Je pense. Voilà, déjà, parce que c'est le problème de DC Comics, c'est qu'ils vont trop vite, je trouve. Il y a une backstory que je peux expliquer aussi, si vous voulez. Le problème avec eux, c'est que quand ils tentent des choses, bah, ils sont un peu pointés du doigt. C'est la preuve, parce que pour moi, leur film le plus ambitieux formellement, qui était BVS, a quand même eu une réussite. Enfin, je veux dire, nommer BVS au Razzie Award, faut peut-être pas déconner non plus, les gens. Non, mais ça, c'est toujours pareil, de toute façon, on peut plus. Voilà. Moi, je les lis même plus, ces gens-là. Enfin, c'est... Et donc le problème est là, c'est que et ça c'est un peu faire l'avocat du diable, c'est que on reproche effectivement avec ce film-là que ce soit classique. C'est vrai, je le reproche, mais il y a certaines personnes qui reprochent le classicisme de Justice League ou même le côté totalement formaté du produit. Et eux-mêmes crachaient sur BVS sous prétexte que... Non, mais moi, pour moi, enfin, ça c'est aussi le problème, c'est-à-dire que il y a un excellent article qui était paru, je sais plus si c'était dans Variety ou dans, je sais plus dans quel site américain c'était, qui s'appelait, c'est en français, puisque le petit article était en anglais, qui était « C'est devenu fatigant de se plaindre des films d'essai ». Et il y a un peu ça quand même, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque tentative, que ce soit Man of Steel, mais même Wonder Woman au début, hein, en France, Wonder Woman, je suis désolé, il y en a beaucoup, et moi je sais parce qu'il y en a vraiment dans mes connaissances, même dans mon émission, qui n'ont pas apprécié, je dirais, le parti pris du film. Et je trouve que DC, et c'est là qu'on peut comparer à la concurrence, ils ont un parti pris. Et je suis désolé, c'est quand même un parti pris créatif, parce que c'est différent à chaque créateur en fonction du réalisateur. Je trouve que pour des films formatés, il y a quand même une patte à chaque film. Suicide Squad, qu'on peut détester, moi je trouve que parler d'un film formaté, faut quand même le dire vite, quoi. Et je trouve que, ouais, c'est un peu fatigant, mais c'est, bon, évidemment qu'on peut critiquer Justice League et des films indépendamment, mais je trouve que, effectivement, le fait que ce soit les mêmes personnes qui critiquent Man of Steel, Wonder Woman, ensuite BVS, ensuite Justice League, finalement, bah, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Ouais. C'est vraiment, là, ils ont tout essayé. Oui, c'est ça, c'est que, voilà, faut être grand, moi, c'est vrai que. Ouais. Non, c'est vrai que après il y a des gens qui n'aiment pas les films de super-héros tout court. Oui, bien sûr, mais là c'est des gens qui vont dire qu'Infinity War c'est leur plus grande attente de l'année. Moi je pense que on peut pas reprocher à DC d'essayer d'autres choses et de faire des choses différentes à chaque film et vraiment de proposer à chaque fois un parti pris différent. Moi je trouve qu'il y a quand même de la créativité pour un studio qui est supposé brider ses auteurs. Je trouve que les auteurs, moi, se portent plutôt bien chez DC quand je regarde les films. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, comme je dis, il y a une patte, quoi. Mais effectivement, je comprends qu'on n'aime pas Justice League, mais je trouve que quand c'est les mêmes personnes qui critiquent les films pour différentes raisons, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi accepter qu'il n'y a pas une vision uniforme de ce film de super-héros et qu'il y en a juste des dizaines, non, et qu'en fait, c'est bien que DC propose des différences. Après, ces gens, le problème, le truc, c'est que ce que tu dis là, et j'ai pas envie de tomber dans le comparatif, mais effectivement, il y a des auteurs. Alors, tu vas me dire que non, mais je trouve que chez Marvel, On a James Gunn quand même. On a des auteurs, mais dans le, du point de vue de la James vision Gunn. Et du point de vue des différences entre les films, elles sont pas hyper notables. Mm-hmm. Du point de vue de la créativité pure, évidemment. Moi, je suis navré, mais les seuls Marvel un peu originales qu'on a vu récemment, c'était ceux de James Gunn et Thor, et le Thor, dernier. Ouais. Quoi. J'ai pas vu Thor, mais Doctor Strange, je trouvais oui, quand même. Oui, Doctor Strange, c'est parce qu'il y avait Derrickson derrière. Mais encore, c'est-à-dire que c'est quand même des films qui ont toujours la même structure. C'est ça. Au fond. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, oui. C'est une créativité oui, mais, visuelle, oui, ils vont aller loin visuellement, ce genre de choses, mais c'est des films qui finalement, on voit bien qu'ils appartiennent tous au même univers et qui sont supposés se ressembler un peu les uns les autres quand même. Voilà. Or, je trouve ça intéressant que DC parte ailleurs. Et d'ailleurs, si je peux parler un petit peu du futur, je rappelle qu'il y a le projet, bon, les gens disent beaucoup de mal d'avance. Flashpoint. De aujourd'hui. Non, non, c'est autre chose. Il y a le projet Flashpoint, effectivement, mais il paraît que ce projet, et je pense que c'est vrai, va servir de base à deux univers différents. C'est-à-dire qu'on aura l'univers auquel appartient Batman contre Superman et Justice League, qui va être un univers canon avec donc Affleck et tout ça, et à côté, des films solo avec deux acteurs différents et des histoires différentes, exactement comme ça se passe dans les comics. Et pour moi, ça, c'est des projets fascinants. Et c'est-à-dire que c'est proposer des films qui font partie du même univers, mais qui ont chacun une patte différente. Et je trouve que ça, aujourd'hui, comme vous dites, en 2017... Faut oser en univers partagé. Non, mais ça, c'est intéressant. Quand t'as le projet Dark Universe Universal qui se foire au premier film tellement ils sont déjà formatés, et le projet Marvel, on en est au 10e film, en fait, pour moi, ça pourrait être clairement être réalisé par la même personne, ça ne me choquerait pas. Je trouve qu'il y a quand même des idées, quand même, si les films ne sont pas toujours réussis, il y a tellement une idée créative derrière, et je trouve qu'on a tellement tendance à dire qu'ils brident les auteurs, que je trouve que c'est injustifié. Après, moi, je suis d'accord avec toi, j'ai aimé le film, mais c'est vrai que malheureusement, on peut pas. Enfin, même si. On peut pas juger un film que sur ses intentions non plus. On est obligé de juger par rapport après, à ce que je disais au début, c'est-à-dire. Oui. Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, Suicide Squad, bon, j'apprécie le film plus ou moins. Et même si je reconnais que voilà, l'intention derrière, elle suffit pas à en faire. Non, oui, bien sûr. Pour moi, c'est juste intéressant de savoir les backgrounds. Mais effectivement, le film en lui-même, s'il faut en parler, je crois que j'en ai parlé un peu. Effectivement, il a des défauts. Je pense qu'on peut les critiquer. Mais je trouve que le tollé qui est fait autour, et comme d'habitude à chaque film d'essai, moi, ça me pose problème parce que on reproche moins au film ce qu'il est cette en lui-même. Cette mode de critiquer son parti pris, tout ce qui est produit par DC Comics chez Warner, ça commence à être un peu lassant. Moi, je trouve que ce qui est justement critiqué, c'est son intention, et c'est pas le film en lui-même. Le film en lui-même est assez critiqué, mais je trouve, mais c'est pas évidemment, c'est pas ici que ça se passe, puisqu'ici, comme on l'a pu voir avec Morgan, on critique vraiment le film. Mais je trouve que du point de vue de ce qu'on entend, c'est vraiment, on parle vraiment du background, on parle du fait où Whedon a massacré le film, on entend des trucs comme ça quand même. On a l'impression que les gens ne savent pas ce qui s'est passé derrière. Et c'est-à-dire que pour moi, comme les critiques partent de l'intention, pour moi, c'est intéressant de répondre aux critiques en disant, mais c'est l'intention, en l'occurrence, elle est louable, c'est le film qui a des problèmes. Et finalement, je voulais plus lui dire en disant ça. Non, et encore des problèmes, moi je trouve que c'est un film qui se regarde et qui est, comme j'ai dit, qui est, je trouve, est cohérent et voilà, tient la route, quoi. Ok. Au contraire, moi je trouve pas qu'il se regarde. Enfin, je vais juste terminer. Ouais, pour moi, je trouve pas du tout. Moi, je trouve justement que le film, tel qu'il est, il est pas regardable du tout. Je trouve quand même que y a rien de, comment dire, c'est un film avec des tels personnages, ça devrait être dantesque, ça devrait être épique. Il y a rien d'épique, ça devrait envoyer du lourd et je trouve que ça explose jamais vraiment. Les 30 dernières minutes sont vraiment mais insupportables, j'ai trouvé interminables. Le méchant est tout ripou, mais ça, que ce soit chez Marvel ou chez DC, ils n'arrivent pas de toute façon à trouver des bons méchants depuis quelques temps. Il y avait Luthor quand même. Luthor. Ah oui, non mais encore, c'est différent, Luthor. Lui c'est différent. Et même Zod aussi quand même, DC ils savent le faire. Il y a eu un problème. Ah non, pour moi c'est vraiment leur gros défaut à DC Comics. Ah ouais, c'est les méchants. Okay. Ouais, je sais pas. Moi je trouve qu'entre Ares, Zod, Luthor et tout ça, je trouve qu'il y a même le Joker, évidemment, on n'est pas d'accord. Mais je trouve qu'il y a quand même une intention de faire quelque chose. Alors que voilà, c'est pas des average CGI vilains comme les méchants de super-héros qui m'ont vraiment marqué au cinéma, c'est Octopus et Bouffon Vert. Évidemment, là je pense qu'à ce niveau-là, ouais, c'est plus comparable. Parce que derrière, il y avait quand même des interprète en béton aussi. Oui, puis on a beau dire, après, les gens ont beau, et je comprends pas d'ailleurs pourquoi on crache sur ce film, mais Dark Knight Rises quand même, on a beau dire ce qu'on Tom veut, mais Bane était un bon personnage. Gueule, il était excellent. Et moi, je vais te dire une bonne chose, et là, vous allez perdre des followers, mais pour moi, c'est le meilleur Joker de la trilogie. De Nolan, si, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. Bah, je trouve que Bane est aussi bon que le Joker, je trouve. Et pour moi, il est même meilleur. Pour moi, il y a un parti pris politique sur certains aspects. Bon, c'est pas le sujet, mais je trouve que. Sur certains aspects, pour moi, je préfère Bane. Pour moi, c'est dans l'autre niveau, le troisième que le deuxième. Encore. On est d'accord, voilà. Mais bon, malheureusement, voilà, pour schématiser, c'est un film qui a été complètement détruit par des studios, c'est dommage, et on est obligé de juger le produit en l'état. Pour moi, c'est clairement mauvais. Et c'est ce que... Ça fait partie des pires blockbusters que j'ai vus cette année. Non, ce qui est vraiment triste, plaisir, finalement, c'est qu'en plus, a priori, il n'y aura pas forcément de version longue qui pourrait... Il y a des choses qui se disent, comme quoi il y aurait un Whedon Cut et tout ça, moi je dis attendons de voir. Ouais. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut aussi laisser couler. Qu'il y a eu des soucis de production, je pense que clairement, ils sont en train de faire le ménage chez Warner et je pense qu'ils vireront les bonnes personnes, je leur fais confiance. Mais clairement, il y a eu des soucis. Moi, je pense que c'est un film. J'espère qu'il n'y aura pas d'extended cut. Il y en aura peut-être un. Mais pour moi, c'est clairement un film qu'il faut laisser tranquille dans le sens où il y a eu des gros problèmes et que c'est pas bien de faire durer. Même moi qui ai aimé le film, je trouve que c'est pas bien de faire durer, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un film qui. Le plus tôt on l'oubliera, je pense que même ceux après, qui c'est un peu ont temps, aimé s'en porteront bien, quoi. Ouais, mais c'est triste de dire ça d'un Justice League quand même. C'est triste de dire ça d'un Justice League, mais il y a eu tellement de problèmes et tellement de choses que moi je peux pas reprocher beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire qu'il y a. Là où je suis pas d'accord avec Morgan, c'est que moi je trouve pas que ce soit un film si mauvais que ça sur la forme, sur la forme ou sur le fond. Il y a quand même des scènes magnifiques. Je trouve que la seconde scène avec la musique de Sigrid, qui évoque la mort de Superman avec tout ce qui se passe. Dans le monde avec des ralentis, c'est vraiment une scène de Snyder. Je trouve que c'est une excellente scène et que moi rien que pour cette scène, mais encore une fois c'est des toutes petites choses, et c'est, pour moi c'est presque le problème du film, c'est que j'aime le film pour des toutes petites choses et cette scène là qui est une scène magnifique, pour moi ça m'a vraiment, j'ai pas regretté d'avoir payé le billet pour voir ça, quoi. Vraiment, c'est à dire que pour moi il y a quand même des morceaux de cinéma comme ça, même dans un film bancal, dans un film tout ce que vous voulez, formaté, tout ce que vous voulez, des morceaux de cinéma comme ça j'aimerais bien en voir plus souvent quand même. Mais moi, vous savez, ça, j'en suis rendu à me dire, ça me fait chier en fait de louper un DC au cinéma parce qu'ils se cassent tous la gueule quasiment au box-office. Et alors qu'un Marvel, j'aurais pas de scrupule à le voir en streaming. Bah oui, c'est ça, c'est parce que moi, parce y que y je sais qu'ils ont pas l'aspect, besoin de mon l'aspect argent l'aspect pour fonctionner. Oui, bon, après y a un Warner, aspect ils ont pas besoin de ton argent non plus. Hein. Plus que Disney quand même, plus que Disney. Oui, c'est clair. Bon, mais... il se rend fou avec les Animaux Fantastiques de toute façon. C'est pour le savoir. Mais du point de vue du DCU, clairement, ils sont à plaindre en ce moment. Pour Justice League, ils sont à plaindre. C'est ça, quoi. Ce qui est triste, c'est aussi de voir que c'est un univers qui peine quand même vraiment à prendre. Et pourtant, ils en sont. Mais là-dessus, si on a ils un en peu sont temps, pas à leur premier film, plus, quoi. Genre, ouais. Mais là-dessus, si on a un peu de temps, j'en parlerai peut-être plus tard. Si vous voulez que je vous explique pourquoi ils sont à ce point à la bourre, je peux le faire. Mais c'est. On va d'abord, je vais d'abord laisser la parole à Eddie pour qu'il explique ce qui. Pas de souci. Mais non, mais t'es là pour ça. Hein. On t'a invité pour parler de Justice League. Ah oui, non, voilà. Moi je trouve ça très intéressant. donc Eddie, vas-y, je t'en prie. Il y a ta critique fois, sur le site. Hein, donc, voilà, et donc ce sera plus en profondeur sur le site aussi. Tout le monde le sait, j'ai un rapport assez compliqué avec DC Comics au cinéma parce qu'en fait les versions ciné des films souvent me déçoivent un peu. Alors à l'exception de Wonder Woman, et j'ai pas vu la version longue de Wonder Woman. Parce qu'il y en a pas, c'est tout ça, c'est simple. Il y en a voilà. Pas. c'est la version ciné, du coup, la version. Il y en a pas spécialement besoin. Ouais. Non, c'est la version. Mais par exemple voilà, Batman v Superman, mais c'est vrai qu'en salle ça m'avait vachement déstabilisé. Enfin j'avais rien capté du tout. Parce que je connais pas assez d'ici pour capter toutes les nuances, les saisir. Oui, il y avait beaucoup de choses. Quoi, voilà. Et après, c'est vrai que la version longue, pour le coup, permettait vraiment de tout saisir. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un super film. Et c'est vrai que ça m'a réconcilié avec tout ça. Donc j'étais assez content d'aller voir Suicide Squad, Wonder Woman. Et là, j'y allais confiant, quoi. Moi, j'étais content de retrouver Ben Affleck. J'étais content de revoir Wonder Woman aussi, et de découvrir les nouveaux aussi, parce que les bandes annonces m'avaient bien plu. En plus, il y avait une manière un peu de, comme vous le dites là, chez Snyder, d'iconiser chaque personnage. Enfin, moi, ce plan d'Aquaman avec l'écume derrière et tout, je trouve que c'était quand même assez classe dans les bandes annonces. J'y allais quand même plutôt confiant, et moi j'ai bien aimé. C'est pareil, c'est clairement pas le meilleur DC Comics que j'ai vu depuis qu'ils ont lancé leur univers à eux, mais après c'est pareil, enfin toutes les polémiques autour, c'est relou, quoi. Et je comprends pas, en fait ce que je comprends pas, c'est que la plupart des gens qui vont aller critiquer ce qui se passe notamment dans Justice League, ils n'iront pas faire la même chose pour les mêmes raisons, parce qu'il se passe les mêmes choses du coup chez Marvel. Mmh, ouais. Alors que, moi, les critiques que j'ai entendues sur Justice League, je me suis dit, mais je suis désolé, moi j'ai vu des trucs chez Marvel, on pourrait dire la même chose. Après, j'aime plutôt même bien du les Marvel des méthodes qui de sortent, production. Mais... On peut parler d'Ant-Man si vous voulez. Hein. Il y a comme une même sorte de Justice League, sauf qu'il n'y avait pas de mort derrière, ils ont juste viré le réalisateur. C'est ça. Et ce qui est vraiment dégueulasse d'ailleurs aussi par rapport à ça, c'est que Snyder, même dans le deuil, qui est quand même. C'est quand même quelque chose qu'il faut encaisser et qui n'est pas facile à vivre, il s'est fait lyncher. Mmh. Ouais, ouais. Limite, il aurait pas dû abandonner son film par rapport à ça, alors que, enfin, c'est en fait le problème avec ces univers avec des grosses fanbases autour. C'est qu'il y a des clans et les clans, enfin, il y a c'est des vraiment... clans et ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur le fanatisme justement de certaines personnes. Ouais, ouais. C'est impressionnant c'est de voir la nature comment humaine, les gens. Vraiment, ouais. Non mais voilà, quand t'entendais pour Suicide Squad des gens dire que le film était déjà mauvais parce que Deadshot avait pas son viseur de mon côté, c'est bon quoi. Ouais. Oui, non, bah oui, voilà. Moi aussi, hein. Je te jure que c'est vrai. Moi aussi, je suis fan de certaines franchises, mais jamais je sais que j'irai. Enfin voilà, après, chacun a son avis, et c'est vrai qu'il y ait des guerres de fans Marvel, de fans DC, qu'il y ait des guerres de fans DC et de fans DC. Je trouve ça triste en fait. Enfin, il faut pas oublier que, d'accord, c'est peut-être des éléments importants de la pop culture aussi, mais il faut pas oublier que ce ne sont que des films. Moi je suis pour la fièvre et le sang dans les débats, mais si c'est pour se battre pour des bêtises, vraiment c'est ça, de l'ordre du détail et de l'ordre du. Enfin, ça m'intéresse pas. Et en l'occurrence, je pense pas que ce soit le cas pour Justice League pour le coup, mais. Ouais. Et moi, je l'avoue, je l'assume. J'ai beaucoup aimé Wonder Woman, j'ai beaucoup aimé Batman v Superman. J'aime beaucoup Man of Steel aussi. Et ben, j'ai passé un super moment devant Justice League. Okay. Parce que c'était ce que j'attendais. Oui, il y a une continuité quand même. Oui, voilà. Et ce que je trouve bien, et par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Adrien, c'est que ce que je trouve très bien, c'est que chez Marvel, effectivement, on sent que tous les films se ressemblent pour mieux signifier qu'ils font partie du même univers. Alors que chez DC Comics, les films ne se ressemblent pas. Et pourtant, j'ai pas du tout de mal à me dire qu'ils font partie du même canon, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même pas rien, finalement, pour un univers partagé comme ça. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Sincèrement, je pense que c'est bien aussi que chaque film ait sa propre identité. Et qu'en même temps, ça les empêche pas de pouvoir se réunir aussi et de se faire des clins d'œil. Donc non, ça c'est bien. Après, effectivement, Justice League a des problèmes. Moi, c'est vrai que tous les parties prévisuelles me séduisent pas forcément. Oui, il n'y a pas que les bonnes idées. Hein. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été ajoutées. Ouais, Steppenwolf, clairement, c'est pas un bon méchant. Il y a des choses qui ne vont pas finir, surtout. Ouais. Et après, c'est vrai que... Bon, après, je pense que ça, c'est le problème des comics, c'est que d'un studio à l'autre, ils se ressemblent beaucoup au niveau des trames. C'est vrai que, bon... on a Thanos avec les pierres d'infinité, on a Steppenwolf avec les espèces de cubes là. Ça vient du comics et en plus ils en font pas un parti pris qui dure plusieurs non, films. Non, on sent qu'il fallait une raison à ce méchant d'agir. Oh. Elle est évoquée, mais c'est pas ce qui fait non plus le. Alors qu'à mon avis, ce sera vraiment le sel d'Avengers Infinity War. Bien sûr, il paraît que le nom de code pour tournage du film d'Infinity War c'est Gauntlet, donc pour le Gauntlet de Thanos avec les pierres d'infinité. C'est vraiment le sujet du film. Et du coup voilà, après moi je dois avouer que les nouveaux persos je les aime bien. J'étais même pas Cyborg. J'étais pas hyper bien, convaincu par Cyborg, c'est vraiment le personnage qui m'intéressait le moins. Ouais, et je suis très finalement d'accord. C'est peut-être celui qui m'a le plus plu en fait dans les nouveaux. Moi c'est quand même Flash, mais je trouve que alors j'aime beaucoup Flash, mais c'est vrai qu'il il m'a fait rire, mais c'est vrai que là pour le moment je l'ai plus vu un peu comme le comique de service, quoi, entre guillemets, hein, des grosses guillemets là-dessus, pas envie de te vexer Adrien. Non mais t'en fais pas, hein. mais c'est vrai que je l'ai plus perçu comme ça, même si après voilà le personnage dans le film ça m'a plutôt plu. J'aime beaucoup son thème musical à Flash, il est magnifique, hein. Ouais. Moi je trouve d'ailleurs franchement on rage beaucoup sur la enfin on rage c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais je trouve qu'on dit beaucoup de mal de la musique de Justice League. Ah oui, alors que moi, non, pas du tout. Alors, moi, le problème, c'est qu'en fait, j'ai réécouté la VO plusieurs fois et je la trouve vraiment très bien. C'est une très belle VO et je vais te dire le problème, c'est pour avoir revu un peu des bouts du film pour être sûr, c'est que c'est mal monté, c'est mal mixé. Mais c'est bien, c'est-à-dire que la musique, c'est-à-dire que la musique est plutôt très basse. Et on n'a pas le temps d'entendre les thèmes, notamment les thèmes de Batman qui sont des reprises des vieux thèmes et tout ça. Oui, et quand ça tu écoutes la bande son indépendamment, reprennent les vieux thèmes de Batman. Moi, je pense que quand je reverrai le film, si je peux arriver à le bidouiller, je le ferai. Mais je pense que quand je reverrai le film, ou alors je mettrai les bofs à fond, enfin, je ferai un truc. Mais je pense que je l'enverrai différemment parce que là, je pense qu'on passe à côté de quelque chose si on va le voir en salle. Je pense parce qu'il y a clairement un problème de mixage. Ouais. Et du coup, ce qui m'a gêné aussi dans le film, c'est qu'on sent le charcutage un petit peu au niveau du montage. Ce qui me faisait justement espérer une version longue, peut-être. Ouais, ça, je sais pas ce qu'on va avoir encore. C'est un peu compliqué ce qui se passe. Et effectivement, vu qu'il y a eu deux réalisateurs sur le film, c'est compliqué du coup d'avoir un director's cut. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit fait en duo, quoi. Mais bon. Donc voilà, moi j'ai apprécié. C'est clairement, c'est sûr, j'ai pas eu le même engouement qu'avec Wonder Woman. Et encore une fois, je trouve vraiment que dans leur univers, là, c'est même pas Batman qui est central ni Superman, c'est vraiment elle, quoi. Ça, je suis d'accord. Je trouve que la figure de DC Comics au cinéma, c'était Superman. Maintenant, sa trame est terminée, en fait. Maintenant, la trame de Superman est terminée. Oui. Et en fait, il a un peu passé le flambeau. On pensait que ce serait Batman, mais c'est Wonder Woman. Et moi, je trouve ça. Plus la lumière, finalement, et rien que pour ça, j'aime DC parce que c'est cool aussi d'avoir une héroïne, quoi. Ah oui, Marvel, une on vraie pas. Héroïne et pas celle qu'elle a parce qu'il en faut une, quoi. C'est pas ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas envie d'aller dans la comparaison avec Marvel parce que j'aime bien les deux studios. Et, oui, mais moi aussi. Hein, moi, Doctor Strange, j'ai adoré. Hein, je l'ai clairement. Ouais. Mais après, et voilà. Puis j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là parce que je trouve que ça sert à rien en plus. Non, quoi. Mais. Oui, donc, pour moi, c'est intéressant d'un point de vue voilà, créatif. Moi, Justice League, effectivement, c'est un film qui a des problèmes, mais je trouve que c'est pas non plus le pire film qu'on ait vu cette année, sincèrement. Hein. Ouais. Je pense qu'on a eu d'autres blockbusters vachement intéressants que ceux ça. Ceux que je citais avant, moi, j'ai vu tellement de trahisons de mythes cette année, et encore des films, il y a des films qui étaient vraiment adorés par la presse. La planète des singes, je te comprends pas trop, parce que moi... En fait, la planète des singes, c'est parce que moi, je sais pas, ça me donne pas la légitimité ou quoi que ce soit, mais je suis très amateur du bouquin et de tous les films. Voilà, la fin que je vais pas spoiler est pour moi, du point de vue du ton, un contresens total avec l'œuvre cynique de Pierre Boulle et ce qui s'est passé avant, en fait. Finir le film comme ça, pour moi, je l'ai pas pris comme une insulte, mais presque. C'est-à-dire que je l'ai pris comme une compréhension totale. Et à toute fin. Oui, à toute fin, pour moi, c'est. Pour moi, il a rien compris. Matt Reeves, en fait. Clairement. Ah ouais? Ouais. Bon, voilà, on en parlera peut-être souvent. C'était un autre débat, mais on en parlera. Il sera dans mes flops de fin d'année, de toute façon. Mais donc, voilà, moi, oui, pour finir sur Justice League, c'est un film que j'ai apprécié. Et comme vous le dites, il faut arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Même si c'est évidemment oui, on sent qu'il y a eu des soucis dans la production et tout. Mais c'est justement aussi pour ça qu'il faut regarder un film par rapport à son contexte aussi. Ouais. Alors je sais bien que le grand public qui est pas forcément cinéphile est moins amené, va pas forcément avoir la démarche de se dire ah oui mais en fait il s'est passé tout ça donc ça donne des c'est normal bien sûr mais je pense que justement quand on se prétend parce qu'il y en a bon je dénoncerai pas mais il y en a qui sont cinéphiles les ronds de cuir vous ronds de cuir mais quand on se prétend cinéphile je pense qu'il faut être il faut être plus intelligent que de dire ouais c'est nul moi j'ai pas aimé machin non enfin déjà personnellement moi une critique qui met non moi j'ai pas aimé parce que c'est nul machin parce qu'il se passe rien c'est oui non. Moi je trouve qu'il y a il y a vraiment des problèmes pour le film mais je trouve que c'est pas eux qui sont mis en lumière par les critiques à la limite c'est bien de taper sur des films quand vous avez un argumentaire solide quoi. Moi j'ai aimé Spider-Man Homecoming, mais quand Adrien s'est ramené avec ses gros sabots et son argumentaire en béton, bah j'ai rien dit quoi. T'es trop gentil avec moi parce qu'en plus c'est ben non, film parce sur que... lequel ben je non, suis c'est très, vrai, je suis quand même très mauvais. Quelqu'un, j'ai adoré ouais. Jurassic World et pourtant j'ai entendu des critiques sur Jurassic World qui m'ont pas plu. Et mais bon après je dis rien parce que voilà les gens ont de l'argument. Et c'est ça aussi le débat. C'est pas seulement, c'est pas forcément d'avoir le dernier mot, mais c'est surtout d'être capable d'écouter le l'avis de chacun. Et c'est tout, toute l'importance du débat est là, quoi. Donc aimez-vous, écoutez-vous. C'est ça, faites l'amour pour la guerre. C'est un très bon adage. C'est quoi ces histoires là? Arrêtez, arrêtez avec vos clans. Aimez-vous, regardez les films ensemble. Et c'est ça. Pas chier. Faites l'amour au cinéma. Voilà, c'est ça. Bon, alors évitez quand même ça. Donc voilà, donc Justice League, non, et je pense qu'il faut, faut passer à autre chose maintenant. Voilà, il est sorti, bah on attend le prochain DC Comics, on verra bien ce qu'ils vont faire. Et, voilà, ils sont bien. Capables, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire bien. Et même potentiellement de faire l'unanimité, parfois, on n'était pas loin. Donc ah peut-être oui, que Wonder le Man, temps, loin, hein. Le temps sera plus clément pour Warner et DC. Et après, s'il y a une refonte de du studio... ça peut aussi donner des bonnes choses. Alors moi, je vais avoir quand même un petit souhait. J'ai quand même un petit souhait contradictoire au tien. Moi, je veux jamais qu'il fasse l'unanimité. Parce que je, moi, je veux jamais qu'il fasse l'unanimité. Oui, non, mais je disais pas ça. Je disais pas ça dans le. Non, c'est pas. C'est qu'il y aura un problème. Je pensais qu'il y aura un problème. Non, mais c'est que tu vois, c'est avoir un peu l'effet Wonder Woman. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Tu vois. C'est pas oui, alors, oui, je suis d'accord, j'ai pas employé le bon terme, mais c'est ça, de se dire, ouais, bon, même ceux qui ont moins aimé, bon, ok, c'était pas terrible, terrible, mais bon, c'est pas non plus... voilà, moi, de toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui aiment, il faut qu'il y ait des gens qui aiment, il faut qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Mais je veux dire, Wonder Woman, on n'a pas trop tapé sur le film, et c'était appréciable de pouvoir apprécier un film DC Comics sans se taper toutes les polémiques à deux balles derrière, quoi. Parce que moi, la moustache d'Henri Cavill, j'en ai, mais alors, rien à secouer. Et j'avais même pas remarqué en voyant le film. C'est toujours, c'est comme Save Martha dans Batman contre Superman. On trouve un truc du film, on critique pour rien. C'est toujours. Voilà. Bref, passons à la suite. Non, je rigole. Il faut quand même que je parle de Justice League, de mon avis un petit peu. Ben en fait, ma théorie d'ici se confirme de plus en plus. C'est un truc de fou. Et c'est pas voulu, hein. C'est pas voulu. C'est-à-dire que j'aime les films 1/2. Donc Man of Steel j'aime pas, Batman v Superman j'aime, Suicide Squad j'aime pas, Wonder Woman j'aime et Justice League du coup j'aime pas. Oh bah, logiquement t'aimeras le prochain quoi. Bah oui voilà, j'ai du coup tu aimeras donc je sais pas plus quel est le prochain. Aquaman peut-être. Ouais. Ah oui, techniquement c'est Aquaman. Ouais, ouais il me semble. Oui, voilà. Par James Wan, mais ça va être très bien ça. Oui, bah, c'est intéressant. C'est vrai qu'un réalisateur comme ça, sur un film comme ça, c'est intéressant pour le coup. Bah, il a déjà fait des Fast and Furious, ça s'était bien passé. Oui, non, mais oui, alors bon, alors, on mélange pas les torches. mais je veux dire, c'est un mec qui a un sens de la mise en scène et puis un univers à lui. Donc c'est vrai que ce qu'il peut amener sur un gros film de super-héros comme ça, ça peut réserver des belles surprises. Et pourtant, Axel n'est pas fan de James Wan. Conjuring, j'aime bien la réal, mais j'aime pas trop le film. Choqué et déçu, je tiens à le dire. Et je trouve ça pas. Enfin, je trouve que ça fait pas peur. C'est juste que je me suis ennuyé. Ah, je me suis ennuyé. Alors, dans non, le mais film Morgane, aussi, on va pas commencer d'accord avec ces choses que tu dis. Je me suis un peu ennuyé devant le film, mais j'étais admiratif de la réalisation. Donc, voilà, c'est déjà ça. Bref. Dans le 2 j'ai pas vu le 2, je m'en fous du 2. Bref. Ah, moi aussi, mais je l'ai vu en plus. bref, moi ça va être très simple et extrêmement rapide parce qu'il faut quand même qu'on fasse assez rapidement là. Tu peux ne pas vomir au micro s'il te plaît. Non, ça ira. Je vais être plus. Non, je vais quand même pas être. Je vais dire que j'avais une appréhension. Avant de voir le film, comme pour tous les films d'ici en fait, parce que toutes les bandes annonces elles me tentaient vraiment pas, donc j'avais pas vraiment envie d'aller le voir parce que j'avais l'impression de savoir ce que j'allais voir, c'est-à-dire 2 heures avec des combats en CGI et machin et qui allaient me saouler. En plus il y a même pas Martian Manhunter et voilà, ça me dégoûte, tu vois. Donc, je sais que Adrien comprendra de quoi je parle alors que regarde Supergirl, il est non mais je sais mais je préfère l'univers DC télé que à l'univers DC moi j'aime que Supergirl, en fait j'aime pas le reste donc... Arrow moi je préfère ça le Flash, ça a l'air tellement kitsch Supergirl pourtant. Non c'est vraiment bien, je te jure que c'est vraiment bien là franchement. Edith, tu peux me croire là-dessus, je te promets, en plus tu vas aimer je pense. Oh oui, non, mais c'est vraiment pas dans mes priorités de série. Je suis en train de finir Bates Motel, alors. Moi, je préfère Flash, tu vois, et je préfère le Flash de la série plus, à celui-ci, à Ezra Miller. Bah, moi, je préfère. Par contre, moi, du moment que vous préférez pas Arrow, ça tout me va. Juste pour revenir sur Flash deux secondes, moi, j'y suis allé avec quelqu'un qui a beaucoup aimé le film et qui a adoré Flash parce que c'était vraiment le Flash qu'il connaissait dans la série animée. Bon, ah moi, oui, je vais vous dire, je suis vraiment un consommateur. J'ai acheté le Funko Flash direct après. Non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage pour le coup. D'accord. Bon, alors, le souci avec ce film, c'est que je ne sais pas par où commencer. Ouais, voilà. Alors, il y a des films qui sont pas bons. Comme je sais que c'est très difficile de commencer comme ça. Comme Suicide Squad ou Deadpool. Voilà. Mmh. Mais qui nous font ressentir quand même quelque chose quand on sort de la salle. Ah oui, même si les films que je déteste le plus, comme je prends un exemple, Spawn. Jurassic Park. Non, j'adore. Sois pas désagréable. Comme Star Wars épisode 1 ou 2, encore pire. Le 2 le 2 est vraiment pire. Ou 7 Non, j'aime bien aussi. Donc voilà, les films que je déteste vraiment énormément, je dirais pas que c'est des mauvais films. J'ai pu utiliser le mot à plusieurs reprises dans ce podcast ou dans des critiques, etc., pour m'exprimer à propos de ces films. Mais malgré tout mon venin que j'ai pu cracher dessus, je pourrais pas dire qu'ils sont fondamentalement mauvais. Tu peux pas dire que Star Wars 2 est fondamentalement mauvais ? Non. Non, parce que j'ai quand même ressenti quelque chose au visionnage du film. Malgré tout, il y a quand même un fond de trame qui sert pour la suite. Non, mais Spawn. Non, mais Spawn, c'est une grosse merde. Ah non. Et Catwoman de Pitoff, tu peux quand même dire qu'il est mauvais celui-là. J'ai pas vu ça, moi, mais j'ai pas envie de le voir. Non, c'est des films qui sont pas bons. Qui sont. Voilà. Mais. Pour moi, les mauvais films. Alors, mais dans Spawn, il a ressenti du dégoût, donc c'est pas pareil. Voilà, au visionnage des films, on a. Alors que les émotions qu'on ressent, c'était pas la réaction attendue par l'équipe derrière le film, ils ont quand même. Ils ont au moins réussi à m'intéresser assez à l'œuvre sur laquelle ils ont travaillé pour que je me sente investi dans le film, pour que je lui trouve quelque chose à redire. Et c'est ça, oui, parce qu'en fait, tu peux voir un film tellement mauvais, tu te dis, mais comment ils ont fait pour en arriver là ? Du coup, t'as un certain investissement. Mais oui, y a un investissement dans chaque film, même les films qu'on déteste le plus. Mais pour moi, tout ça pour dire que Justice League, pour moi, est un mauvais film. Parce qu'il a essuyé un échec sur sa seule et unique mission pour ne pas faire partie des films dont l'on peut dire qu'ils sont mauvais. C'est celle de m'intéresser au film. C'est simple, j'ai rien retenu du film. Je n'en ai absolument aucun souvenir. J'étais perdu devant l'écran de cinéma à me demander quand est-ce que ça allait finir. Les polygones des CGI qui volaient partout de partout sur l'écran et qui essayaient de raconter une histoire. Les pixels du projecteur qui changeaient de couleur pour essayer de former une histoire. Mais l'échec était lamentable. Bref, ce film est mauvais parce qu'il est... On retient absolument rien quand on sort de la salle. J'avais la tête vide quand je suis sorti de la salle. Et ça, c'est vraiment pas un bon signe. Parce que même les films qui m'ont le plus énervé, Terminator Genesis par exemple, j'étais foudrage. Non, mais au tu moins, peux j'avais... pas comparer. Non, arrête. Si. Terminator Genesis, eh ben, au moins, c'était pas un mauvais film parce qu'il m'avait proposé quelque chose. Si, non, mais je souffre physiquement d'entendre j'assume ce que je suis en train de dire parce que au moins j'ai ressenti quelque chose. Là, vraiment, c'était deux heures de rien. Quand tu as parlé de scènes dont tu te souvenais, je me suis dit, ah, c'est vrai, il y avait ce truc, mais j'en avais. Enfin, la scène de début avec Superman, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un truc sans CGI ou sans moustache. Je m'en suis pas rendu compte. Enfin, et pourtant, j'étais pas dans un état secondaire. Mais t'as pas dormi, je me suis demandé ça. J'étais à la limite de dormir à certains moments, mais je me suis pas endormi. J'étais tout seul dans la salle en plus. C'est triste. Hein. C'est bien, je trouve. Pour un film comme ça, c'est triste d'être seul dans une salle. J'étais tout seul dans la salle, donc je pouvais faire. Oh là là, mais quand est-ce que ça finit ? Ah, c'est ça m'embête. Enfin voilà. Bref, même Wonder Woman que j'adore tellement. Mais vraiment, elle n'a pas réussi à m'intéresser au film. Alors voilà, je sais pas ce qu'il faut faire pour donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage pour un film Justice League, surtout que moi j'adorais le dessin animé quand j'étais gamin. Et voilà, et le comics je l'ai un peu lu, je l'ai pas autant lu que d'autres, mais voilà, je trouve que c'est tellement dommage d'avoir lancé ce film si tôt. Après, bien sûr, comme tout le monde l'a expliqué, là, il y a eu des déboires derrière la scène, etc. Ça s'est fait dans la douleur. Mais pour moi, je juge vraiment le produit fini. Et pour moi, il est mauvais parce qu'il a juste pas réussi à m'intéresser. Et même les pires films du monde. Dragon Ball Evolution, voilà, je prends encore des films, mais vraiment des bouses intergalactiques. Non, mais fais attention à ce que tu dis. Non, mais Dragon Ball Evolution, je le déteste, mais c'est pas un mauvais film. Mais Axel, non, faut qu'on parle quand même. Non, mais tu enregistres, là, tu sais que t'enregistres. Oui, je sais que j'enregistre, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave, parce que pour moi, le cinéma, ça sert à ressentir des émotions. Et entre autres. Voilà. Ouais, moi c'est pas ma vision, mais ouais. Mais bah aussi un minimum quand même. Un petit peu quand même, parce que si tu regardes ça en te disant bon bah je ressens rien. C'est même la plus petite des émotions, juste c'est beau visuellement, ah, le son que j'entends ça me plaît, voilà, il y a quand même, ou alors que ça me plaît pas, mais quand il y a rien du tout, quand l'encéphalogramme est plat, pour moi c'est un mauvais film, voilà. Ouais, je suis désolé. Ou même vibrer, enfin oui, non mais c'est vrai, enfin je comprends pas pourquoi Adrien t'es pas d'accord. Pourquoi cinéma, oui, c'est une affaire d'émotion. Enfin, non, je dis pas que je suis pas d'accord, j'ai dit que c'est pas ma vision. C'est-à-dire que pour moi, dire que le cinéma c'est une affaire d'émotion, et vraiment parler dur à ça, mais vraiment parler de ça, pour moi c'est symptomatique. On en parlera sans doute dans une émission si un jour on parle de Spielberg, ce genre de choses. Pour moi c'est symptomatique de. Mais c'est pas une critique du tout, c'est pas juste pas ma vision du cinéma en fait. Ah bah non. C'est symptomatique vraiment d'une génération qui a grandi avec Spielberg, moi, qui c'est vraiment pas comme ça que moi je perçois les choses. Mais après, oui, c'est bizarre, c'est que j'ai pas grandi avec Spielberg et c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec Stieg Avertov et Eisenstein et je peux te dire que. Oui, mais c'est justement, c'est... Pour moi, ça se réduit pas, mais on en parlera peut-être une fois. Non, moi, mais je rigole. Pas, hein, je réduis vraiment. C'est un gros cliché que je dis, mais c'est pas. Non. Il y a bien. Enfin, c'est une grosse affaire d'émotion. Personnellement, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'appellerais plutôt ça de la sobriété, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de voir un gros film. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi un problème du film. Ça, je peux pas. Voilà. Moi, quand j'ai tout oublié d'un film, c'est juste dommage. Et je trouve ça dommage pour une œuvre d'art, quoi. En général, c'est pas bon signe. C'est pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver à une œuvre d'art, c'est de l'oublier. Vraiment. Donc voilà. Passons à la suite. Après ce moment un peu déprimant. Non mais voilà. Donc tout le monde a pu faire son point sur Justice League. Vous avez nos avis. Vous avez vos avis aussi. Donc n'hésitez pas à nous les crier dans les commentaires ou sur Twitter. Si vous voulez insulter Axel parce qu'il a dit que dans l'évolution des débats mauvais films, vous pouvez le faire. Oui, mais vous pouvez le faire totalement. Moi, je le fais direct quand je change, je te tweete. J'en ai avalé mon orange de travers. D'ailleurs, je vais tweeter dès maintenant. Et tu sais, Morgane, à quel point j'ai détesté ce film, mais vraiment. Mais quand même. Mais c'est pour moi, l'acte de détester le film, c'est déjà quelque chose. Donc, on vient de dire. Alors. Zelexan vient de dire. Ah non, il va m'afficher de toute façon. L'évolution. Bref, je te buterai pendant tout le podcast. ok. Bref, du coup, Adrien, tu dois partir tout de suite ou tu peux rester encore juste pendant la sélec quand Morgan. Morgan. Alors, je peux éventuellement rester pour parler un peu de Mother si vous voulez parce que je l'ai vu. Ah. Ok. Oui. C'est quoi la minute d'heure exactement? J'ai oublié ce que c'était. C'est on parle de tout sauf de cinéma. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ok, non, bah, je peux en parler aussi. Parce que si tu veux qu'un jour, comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai mon article que j'avais fait il y a 2 ans sous les yeux, que je parle de la raison du retard de Warner qui est plus compliqué que ce qu'on pense, ce serait un plaisir. Ouais. Ok. Voilà, c'est censé durer une minute. Hein. Oh, Oui, à peu près. Enfin, 5 ouais, minutes. Je peux faire en deux. Je peux faire en deux. Bah, ça, je peux, mais. Ouais. Bah, écoute, on finit déjà la Selec. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Morgane sur, je sais pas lequel tu veux commencer, par lequel. Ah oui, pardon, tu es en train de manger une orange, donc on va peut-être commencer par Mother alors. Non, mais c'est bon, celui-là. Non, c'est okay. Bon. Mmh. Je veux que. Excusez-moi. Et c'est très bon d'ailleurs, ça donne des vitamines. Non mais c'est très bien. Et je préviens juste avant qu'on parle de merci, qu'on parle de Mother, qui pas de spoil autorisé parce que je ne l'ai pas encore vu. Oh, voilà. C'est con. De toute façon, si t'as lu la Bible, t'as tout compris. Je n'ai pas lu la Bible parce que voilà. Pardon, excusez-moi. C'était quoi ça? C'était horrible. On dirait un disque rayé. Bref. Il m'a tué. T'as lu la Bible, t'as tout compris. Bref. Morgane, est-ce que tu es... Est-ce que tu es prêt? Pas de spoil, j'ai dit pas de spoil, merci. J'aurais bien aimé. Non, mais du coup, si tu l'as pas vu, faut pas qu'on en parle. Ah, d'accord. Pourquoi? Ouais. Oh, bah, c'est quoi, c'est... Oh bah, de toute façon, on en parlera spoiler, dans mais le. Mais y a rien à spoiler, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un. Enfin... Non, mais je veux pas savoir ce qui se passe. J'ai évité jusqu'à maintenant de savoir ce qui se passe. Là, si le gros reveal, le gros. Et après, je remets tes écouteurs. Non, mais après, c'est moi qui monte le podcast. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai. Si vous commencez à balancer des trucs, je sais pas, moi je suis obligé de couper après. Bref, de toute façon, on en parlera dans le top de la fin de l'année. Quand moi je l'aurai vu. Et Adrien, tu seras sûrement là, j'espère. Bah fin d'année, oui, quand même. Moi, je vais pouvoir faire les flops. Bah oui. Je suis trop contente. C'est des tops, ils s'en foutent. C'est juste qu'il veut faire les flops. C'est des flops que tu veux faire. Donc voilà. J'ai pas vu de bon film cette année. Ouais. Bah du coup, ouais, on parlera pas de Mother là. Le mec mais hyper aigri, tu sais. De Mother dans le top des. Enfin, voilà. Dans le podcast de fin d'année. Bref, Morgane, le bonhomme de neige ou Marvin et la belle éducation, c'est à toi de choisir. D'accord, donc je vais parler de Marvin. Alors, Morgane, c'est à toi de choisir. Oui, merci Axel. Alors, je reprends le flambeau. On va parler de Marvin ou la belle éducation. Sion. Voilà. Et alors, tu dis quoi, Morgane? Il est en mode formidable. Il est 2h51. C'est un très bon film, un film d'Anne Fontaine. Autant avant, j'aimais pas ces films et j'avais dit Fontaine, je boirais plus de ton eau, mais maintenant, j'en prendrai bien une gorgée. Excusez-moi. Ça permet d'éviter le déluge d'Aronofsky. Non, le pire, c'est que ce podcast sera entendu par un des acteurs qui joue dans le film Marvin. Ah, c'est vrai? Avec qui je suis ami sur Facebook. Bah, oui, bonjour. Oui. Enfin, Marvin lui-même. Non, c'est pas Finnegan Oldfield. Oui, oui, bah, c'est Marvin quand il a 16 ans, qui s'appelle Jules Poirier, dont je vais parler, qui est excellent dans le film. Et j'avoue, je stressais beaucoup avant de voir le film parce qu'il avait... Il avait hâte de savoir mon avis sur le film et il m'avait dit en amont, j'ai hâte de savoir ton avis, surtout qu'en plus je lis toutes tes critiques. Enfin, parce que, en fait, si vous voulez, je l'avais sur Facebook depuis quelques mois et j'avais jamais fait le rapprochement que c'était lui qui jouait dans le film. Et en voyant la bande-annonce du film, je me suis dit, mais attends, il me dit quelque chose, sa tête, elle me dit un truc. Je vois le nom sur l'affiche, je me dis, mais je crois qu'il est dans mes amis Facebook. Je lui demande. Puis après, effectivement, j'ai sympathisé, on a échangé quelques mots et tout. Et c'est vrai qu'il y avait une pression sur moi parce que c'est la première fois qu'un acteur, enfin que j'étais ami avec un acteur dont j'allais voir un de ses films et j'avais peur de pas aimer. Et ouf, donc j'ai t'as aimé. Été enfin, vraiment, il t'a acheté quoi. Non, pas du tout. D'ailleurs, si mais ouais, oui, non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. D'ailleurs, je rigole. Écoute, ton chèque a été rejeté, donc tu pourrais peut-être me refaire un autre. Ouais, peut-être très bien. Vas-y. Non, bon, plus sérieusement, Marvin ou la belle éducation, donc Anne Fontaine, dont j'avais vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'elle? Perfect Mother, Gemma Bovary. Perfect Mother était absolument horrible. Mais Gemma Bovary était exceptionnelle, donc ça compense. J'ai pas vu Gemma Bovary, mais alors Perfect Mother, moi j'avais vraiment détesté. Hein. Oh. Ah, moi aussi, hein, j'avais détesté aussi. Et Mon pire cauchemar, qui était son film le moins pire. Mais franchement, non, j'avais rigolo, du mal avec cette. Ouais, enfin, et encore. C'est une avec Huppert et Poulvante, c'est ça? Oui, c'est une bonne petite comédie. Voilà. Non, c'est une petite comédie, mais qui n'est pas drôle du tout. Non, mais voilà, j'avais un problème. Non, mais j'avais vraiment un problème avec les films d'Anne Fontaine. Donc c'est vrai que j'avais un peu du mal. Surtout qu'en plus, ce film-là est librement adapté d'un livre, que j'ai trouvé horrible, qui est sorti, je crois, en 2013, je crois, qui s'appelait En finir avec Eddie Belgueule. Alors, je ne suis pas du tout associé à cet objet. Hein, je précise. oui, mon Dieu. Pourtant, qui était pour moi un livre. Ah oui, c'est pour ça que je précise. Ouais, c'est peut-être pas une belle. Ah oui, alors je t'emmerde. Tu dis peut-être. Bah, tu m'as vu, donc voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Morgane, continue, voilà, je t'en prie. Parlons cinéma, bon Dieu. Donc le livre déjà m'avait paru absolument insupportable. J'avais trouvé mal écrit. C'était un déballage. T'as lu un livre de... Ouais. C'est sûr que l'auteur c'est sûr que l'auteur est pas dans les amis Facebook. Non, bon, c'est bon. Arrêtez, vous tuez ma chronique vas-y, là. Laissez-moi, mon Dieu. Bon, donc le livre, j'avais trouvé horrible, et c'est parce que voilà, c'était mal écrit, c'était un déballage de linge sale en public, enfin ça m'intéressait absolument pas malgré l'importance du sujet. Donc le film parle de Marvin qu'on suit sur deux époques différentes, quand il a 16 ans et quand il a 20 ans à peu près, enfin 20, 25 ans, enfin bref, je sais pas, quand il est adulte. On le voit quand il a 16 ans humilié par sa famille et par ses camarades de classe. Sur sa supposée homosexualité, parce qu'il est stigmatisé, il vient d'un village du Nord dans lequel les mœurs sont un petit peu... Enfin voilà, l'ouverture d'esprit, c'est pas tellement ça. Donc la partie adolescence parle justement de sa persécution sociale, familiale, scolaire, sur sa différence. Mmh. Et la partie adulte, donc là c'est... ça se passe à Paris, et on le voit en tant qu'artiste, en tant que jeune acteur passionné de théâtre qui rêve de percer et qui va céder de son propre vécu pour pouvoir accéder à cet art. Et c'est un film que j'ai trouvé excellemment bien construit et très surprenant parce que là où je craignais peut-être un petit peu le film social, ce qui était le livre d'ailleurs, hein, le film social un peu cliché, on retrouve des caricatures dans le film qui sont totalement assumées et en même temps ces caricatures sont vraies. C'est d'ailleurs des reproches que je vois sur quelques critiques en disant « Oui, mais la famille du Nord, la façon dont elle parle, la façon dont enfin, même dans le look, dans la gestuelle, dans la façon dont ils communiquent entre eux, c'est cliché. Oui, mais il existe des gens comme ça qui ont des esprits très étroits, qui ont des avis très arrêtés sur l'homosexualité et tout, et qui n'ont aucun scrupule à appeler un homosexuel un PD, une tapette, une tarlouse. Enfin, il y en a des gens comme ça. Donc, et ce qui est bien, c'est que les deux époques différentes, ce sont deux intentions de cinéma différentes, ce sont deux propos différents. Le premier, c'est un film donc, sur la... Donc, quelle originalité. Pardon. rien que ça, là, tu me le vends pas. Parce que c'est le truc hyper attendu, je trouve. Non. Alors non. Bah non, pas du tout. Ah non, parce que moi, je trouve que ça aurait été attendu de faire en sorte que... on parle de son homosexualité, de sa différence quand il est petit, et puis on voit... Alors que là, pas du tout, c'est un film... Au début, on part sur une chronique sociale sur la différence, sur l'acceptation, et il y a même des scènes qui sont hyper violentes. Je veux dire, il y a une scène... de viol, clairement, que je me suis pris en pleine face et que je m'attendais vraiment pas. Surtout qu'Anne Fontaine, c'est une cinéaste qui est assez, comment dire, qui a un peu la réputation d'être la cinéaste qui filme un peu la bourgeoisie. Et effectivement, la partie parisienne... Non, mais c'est une cinéaste qui est extrêmement éclectique, Anne Fontaine. Elle fait extrêmement énormément de films différents. Ouais, et justement là il y a deux films en un. Il y a un film sur le côté bobo parisien avec le point de vue de Marvin quand il est adulte, donc joué par Finnegan Oldfield, qui jouait dans Nocturama, qui était ma révélation, hein, meilleur film de l'année dernière, et si et meilleur acteur. Mais Finnegan est excellent d'ailleurs, s'il m'écoute, voilà. Mais j'adore Finnegan, voilà, une grosse révélation. Et justement, voilà, la première partie qui se veut plus dans la chronique sociale, je la trouve poignante, elle est importante parce qu'elle est encore d'actualité, il existe encore des jeunes qui sont victimisés, qui sont stigmatisés par rapport à leurs différences. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'à aucun moment, quand il est ado, il dit « je suis gay ». Ce sont les autres qui essayent de le convaincre qu'il est gay, et puis effectivement il est vraiment gay, mais c'est que les autres s'en rendent compte avant lui, et ça je trouve que ça pose aussi des questions sociales qui sont assez intéressantes et qui sont montrées avec beaucoup de... c'est à la fois pudique, à la fois très frontal et magnifiquement joué. Je trouve justement que le père de famille qui est interprété par Grégory Gadebois, qui est une caricature du nordiste un peu beauf, c'est le gros le gros gros, enfin le gros mastoc, très paresseux, qui fume sans arrêt, accro à l'alcool, etc. Qui parle beaucoup de ça et tout. C'est très caricatural, mais il est bouleversant. La façon dont il le joue, c'est absolument bouleversant parce que c'est des clichés, mais c'est des clichés qui sont vrais. Et je trouve qu'il y a une authenticité, enfin il y a quelque chose de vrai dans ce film. Et la deuxième partie, c'est un film qui parle de la beauté du théâtre, de la beauté de l'art. Et de comment, grâce à l'art, grâce au théâtre en l'occurrence, on peut extérioriser ces vieux démons, on peut se faire une thérapie, on peut guérir par le théâtre, on peut guérir par l'art. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé que les deux parties se reliaient vachement bien. Et en plus de ça, comme le point de vue, enfin la démarche d'Anne Fontaine, c'était de faire en sorte que à 16 ans et à, on va dire, 20 ans, ce sont deux acteurs différents, il fallait que ce soit cohérent. Il fallait qu'on... Et je trouve que les deux acteurs qui n'ont aucun lien de famille, hein, Jules Poirier et Finnegan Wolfhard, ne sont pas frères, pas cousins, ni rien. Mais chacun a réussi à s'imprégner de la gestuelle de l'autre, du regard de l'autre, de la démarche de l'autre, qui fait que quand on passe d'une époque à l'autre, parce que c'est pas chronologique, hein, on fait des allers-retours dans le temps, bah je trouve que c'est très fluide. Déjà ça aide beaucoup au rythme, parce que si on avait fait la première partie enfant plus adulte, je pense qu'à partir au moment où on serait arrivé à l'âge adulte, je me serais un peu désintéressé du film, parce que moi ce qui me touche le plus en tant qu'individu, c'est effectivement la chronique sociale, le côté les problématiques des acteurs qui, de la bourgeoisie parisienne du théâtre. C'est pas trop ce qui me touche de base, moi ce qui me touche plus c'est la chronique sociale, mais comme on fait des allers-retours dans le temps, du coup ça aide au rythme. Et je trouve que les deux parties se répondent bien. Je trouve que c'est un très beau film. Je vous encourage à voir, même si vous avez des a priori. Parce que c'est très juste. Ça dit des choses très vraies, très profondes, aussi bien sur le social que sur la culture, que sur l'art. Les acteurs sont exceptionnels. Donc mention spéciale à Finnegan et à Jules Poirier. Et surtout, le rôle du papa joué par Grégory Gadebois. Voilà. C'est lui, ça a été ma grosse révélation du film. Et vraiment, moi qui ne suis pas client du cinéma d'Anne Fontaine, je dois dire que j'étais le premier surpris. Donc je suis content d'avoir adoré ce film. Jules, si tu m'écoutes, voilà. Bravo. Ok, très bien. Du coup, le bonhomme de neige, pour continuer. Voilà, le bonhomme de neige, un thriller par Anne Fontaine aussi. Non, je déconne. Non, mais vraiment, le bonhomme de neige se transforme en Fontaine. Oh là là. Ah, bravo. Oh là là, bravo, bravo, bravo. Oh là là, c'est... J'aime pas quand il n'y a pas de jeu de mots dans l'exposition, Morgane. J'aime non, pas ça. Je suis obligé de combler. C'est beau, j'ai envie de dire. Non, c'est très beau, mais pas le film. Voilà, donc Le Bonhomme de Neige, le nouveau film de Thomas Alfredson, réalisateur de Morse, que je n'ai pas vu, mais surtout Morse de l'excellent... Lequel, Le vrai Morse, ouais. D'accord. Oui, le vrai Morse, voilà. Mais il est cool. Ouais. Alors, c'est pas bien Le Bonhomme de Neige. Parce que non, moi, j'en ai pas entendu parler. Que... Alors, vas-y. Alors, c'est normal. Ah bah, tu sais, alors oui c'est vrai, il était attendu. Non mais surtout que pour moi Thomas Alfredson c'est le réalisateur de La Taupe avec Gary Oldman en 2012. Oui, c'est ça. Oui. Qui était j'avais adoré ce film, vraiment. Voilà, film d'espionnage old school. Pour moi c'était grandiose, grand exercice de mise en scène, c'était lent mais c'était absolument passionnant. Le problème du Bonhomme de Neige c'est que c'est un film autre truc que je viens de lire sur, je suis désolé de te couper mais c'est trop fort, sur sa fiche Allociné, il s'est occupé de l'adaptation suédoise de Fort Boyard. Voilà. C'est tout. Ah bah c'est ça le Bonhomme de Neige. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai vu le mauvais film, voilà. Alors j'ai vu Fort Boyard moi. Ah bon. Non, vas-y, alors le problème c'est que même le réalisateur lui-même dit que son film est raté parce que il a eu des gros problèmes de désaccord avec les studios. Du coup c'est un film qui a été réécrit, le scénario était même pas fini, qu'ils étaient déjà en train de tourner, enfin je sais plus ce qui s'est passé. Ça c'est vrai, ouais, c'est vrai ça. Voilà, donc du coup c'est un bordel sans fin, un bordel sans nom. Et quand je dis sans fin, c'est je déconne pas, c'est sans fin, c'est interminable. C'est-à-dire que le temps s'arrête, vous êtes gelé sur place devant ce film, alors que pourtant il y avait tout pour me plaire. Parce que quoi ? C'est un thriller qui se passe dans la neige avec un tueur en série qui a une passion pour les bonhommes de neige. Why not ? Ça peut me tenter. Il y a Michael Fassbender. Ça sonne très bien. Il y a Michael Fassbender. Il y a Charlotte Gainsbourg. Il y a vraiment qu'on des passions de merde quand même. Non mais Charlotte Gainsbourg. Elle est très bien, Charlotte Gainsbourg. Moi, franchement, le bonhomme de neige, c'est un thème de range moins que Charlotte Gainsbourg comme passion. Eh, oh, va te coucher, toi. Non, mais tu vas voir. Et il y avait surtout Rebecca. Il y a aussi Rebecca Ferguson, un casting en or. On parle de qualité. Ah oui. Donc voilà, un casting en or pour. Il y avait tout pour me plaire. Oui, c'est vrai. Qui sert à rien dans le film, mais voilà. Si, c'est le tueur. Enfin, il sert à rien. J'ai pas vu le film, mais je sais que c'est le tueur. Putain, mais c'est pas le tueur que je raconte. Ah bon ? Non, pas du tout. Ah bah d'accord. Non, mais dans le bande-annonce, j'avais l'impression. Non, si vous êtes malin, le tueur, vous le devinez au bout de 20 minutes. Vraiment. Parce que tout est couru d'avance. Mais c'est là, Axel, je vais reprendre ton expression. On peut pas faire ça en 2017 quand tu parlais de Justice League. Et là, on peut pas faire ça en 2017 quand on a un thriller aussi merdique que ça. Mais je vous jure, j'irai comparé avec à Kedios, nos pardon. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire cette expression. C'est comme si avant on faisait des mauvais films et quoi tant. Oui, non, mais moi non plus, je comprends pas pourquoi ça veut dire ça, cette expression. Non, c'est kitsch. C'est très kitsch parce que ça s'appuie sur un schéma narratif. Enfin, ça se veut comme un thriller des années, un espèce d'hommage au thriller des années 80 à la Fincher. Pourquoi pas, allez, citons les grands noms. Le problème, c'est que ça n'a ni la maîtrise du suspense, ni la maîtrise de la mise en scène, ni la maîtrise des personnages, et encore moins des acteurs que Fincher. C'est-à-dire que les personnages sont tous des archétypes. Fassbender qui joue le rôle d'un flic accro à l'alcool parce qu'il s'est séparé de sa femme, évidemment. Voilà, il est un peu déprimé, donc il est accro à l'alcool, il fume sans arrêt, donc c'est le flic torturé, au secours, des personnages comme ça, on n'en veut plus, je n'en veux plus, fini. Charlotte Gainsbourg ne sert à rien, tous les personnages sont fonctionnels, Rebecca Ferguson, c'est l'enquête, la seconde qui va l'épauler pendant l'enquête, et elle est un peu névrosée sur les bords, parce qu'on sent qu'elle a un pain. Mais toutes les intentions des personnages sont palpables très rapidement, parce que... En plus, ça se veut psychologie de comptoir à deux balles, parce que justement, le tueur en question, on veut lui donner, dès la scène d'intro, il est question d'un flashback avec un enfant persécuté par un homme qui bat sa mère et puis il fait des bonhommes de neige. Donc on sait qu'en gros, le tueur, on veut nous faire éprouver de la compassion pour ce tueur, forcément. Il a été malmené quand il était petit, donc du coup, vous voyez, c'est débile de faire ça, parce qu'en plus ça n'aide même pas à l'intrigue, ça n'a aucune plus-value, c'est juste pour amener de la psychologie à deux balles qu'on voit depuis 20 ans dans les thrillers. À côté de ça, c'est chiant, il n'y a pas de rythme du tout, et là on sent clairement que le film a été écrit et réécrit, à tel point qu'à des moments je n'y comprenais plus rien. Au bout d'un moment, je ne cherchais plus à savoir qui était qui. Oui, c'est quelque chose qu'on dit tueur. Beaucoup, ça qu'on comprend rien au film, si j'entends beaucoup ça. Ah oui, j'ai rien compris. Hein. Je crois qu'il y a deux intrigues qui se dessinent à un moment donné. Je me dis, attends, mais pourquoi il y a cette intrigue-là? Ok, j'essaye de comprendre, ok, je comprends rien, je reviens à l'intrigue principale, qui est le tueur? Et le tueur, vous pouvez le deviner au bout de 20 minutes. Je me suis dit, non, ils vont pas oser quand même, ça peut pas être ça, c'est trop évident. Et en fait, si, voilà. Donc au bout d'un moment, un thriller comme ça, il y avait tout pour être un... Ça avait tout pour être un grand film, l'affiche est belle en plus, je trouve. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas l'intrigue, il n'y a pas le suspense, il n'y a rien. Et c'est même pas flippant. Ils essayent quand même de nous faire peur, parce que le tueur, à chaque fois qu'il fait une victime, il fait des bonhommes de neige. Et il y a des bonhommes de neige qui apparaissent en plein dans le cadre, avec des zooms caméra pour dire attention, il est là. On dirait un jeune anard des années 80, ça me donne juste envie de voir. Ah ouais, non, mais ça, vraiment, c'est... Sans parler de la chanson Popcorn, là. Vous savez, qui a été reprise par Crazy Frog. Ils essayent de nous faire peur avec la chanson de Popcorn et des apparitions de bonhommes de neige. C'est ridicule, c'est nul. Et franchement, c'est même pas captivant. Ça pourrait être nanardesque et captivant en disant « Tiens, ok, c'est pourri, mais alors j'ai été captivé par l'enquête. » Même pas. Même pas. C'est naze. Faut pas y aller. Très bien. De toute façon, personne n'y est, donc... Voilà, comme ça c'est fait. Avant de finir la sélec, Adrien, pardon, tu voulais nous parler rapidement de Jigsaw. Oui, un petit mot quand même, parce que c'est un film qui est passé un peu sous le radar, alors que ça a fait plutôt de très bons scores, et c'est un film qui a été plutôt pas mal reçu par les fans. C'est quand même le retour d'une saga qui a eu 7 films, comme Star Wars, qui compare de tout qu'on a rien à voir. Mais ça n'a pas assez rien à voir que ça, mais j'en parlerai plus tard. Et voilà, donc là, c'est après Saw, chapitre final, on a un nouveau Saw. Le sixième ou septième? Le huitième, Jigsaw. Ouais, mais c'était Saw. C'était chapitre final, c'était septième. Et c'était donc voilà, là on a un film où il me semble que c'est sorti, mais tu me diras si je me trompe. Le 1er novembre 2017. Le 1er novembre 2017, donc ça fait un petit bout de temps, je suis quasi hors actu là. Non, non, mais c'est très bien, c'est le podcast de novembre. Donc, Ouais, voilà. Ce film me rappelle de mauvais souvenirs. C'est le film que j'ai vu juste avant qu'il me soit arrivé ma mésaventure. Enfin, oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le film est bien. Oui, j'ai bien. Je l'ai oui, pas c'est dit, mais il est très bien. C'est plutôt une réussite dans le sens où c'est un film. En fait, ouais. Là, je me suis vraiment posé des questions parce que c'est quand même. Saw, ça a toujours été un petit peu une saga. Enfin, à partir du deuxième film, parce que le premier, pour moi, ça reste un classique. Une saga qui a été d'une qualité cinématographique assez moyenne. Voilà, le montage c'est complètement n'importe quoi, c'est plutôt très mal filmé, il y a des plans poisseux, il y a des on sait pas trop, ils savent jamais où foutre la caméra, c'est mal monté, c'est pas très bien écrit, mais il y avait un espèce de souffle quand même du point de vue de l'intrigue, il y avait toujours des surprises. Et là en l'occurrence je m'en suis vraiment arrivé à me poser des questions parce que c'est un meilleur film, parce que d'un point de vue objectif en fait, puisque c'est extrêmement bien filmé, il y a vraiment des super beaux plans, l'image est très très belle, c'est d'un peu du montage, c'est magistral. C'est-à-dire qu'en fait, tout repose sur un twist comme d'habitude. Et celui-là, tu ne peux pas le sentir arriver. Tu ne peux tout simplement pas. À aucun moment, parce que le montage te ment en fait. Excellent. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Mais... ça, c'est, je pense que d'un point de vue cinématographique, c'est très très intéressant. Tu spoil pas un peu là ? Non, si je dis ça, les gens ne sauront pas de quoi je parle. Non, je dis juste que le montage je veux plus. Bien sûr, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est qu'un montage. Non, mais pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire du point de vue de. Je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux pas ce que le film raconte, ça veut rien dire de dire. Non, mais c'est habile, hein. C'est un film très habile en matière de montage. Extrêmement habile en matière de montage. Je viens de le dire. Mais après, je me suis posé la question quand même, est-ce que Saw c'est fait pour ça ? Est-ce que on peut faire de Saw un meilleur film ? En fait, parce que je trouve qu'en fait, pourquoi Jigsaw est meilleur que Saw, premier du nom ? Non, puisqu'en fait, Saw, c'est tout simplement le début, c'est un espèce d'effet de surprise invraisemblable. Il y a pour le coup le twist de Saw, il a même pas besoin du montage, en fait. C'est juste bien fait de base. Mmh. Alors que là, il y a quand même besoin d'artifice. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a des raccords un peu vulgaires quand même. Je pense notamment quand, par exemple, quand tu parles de quelque chose, et le plan d'après, tu vois un plan sur cette chose. Enfin, il y a des choses un peu vulgaires comme ça, des choses très peu subtiles. Mais bon, ça, je vais pas demander à Saw non plus de me faire du Scorsese. Mais l'image est très léchée. Et je trouve que c'est presque un problème parce que moi, j'avoue que ça m'a fait un peu sortir du film. Parce qu'il y avait quand même cet aspect dont je parlais tout à l'heure, cet aspect un peu crasseux, un peu poisseux, toujours dégueulasse dès le premier film. C'était dans une espèce de salle de bain immonde avec des toilettes, des machins trucs. Là, c'est un film qui est très propre, et même du point de vue des scènes de violence, je trouve que... Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est minimalisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus de l'ordre de la petite coupure, en fait, qui fait que toi, tu la ressens quand il se passe quelque chose, en fait. Quand un personnage se fait blesser ou quoi que ce soit, toi, tu le ressens, donc ça, c'est plutôt bien fait, parce que c'était un peu le problème du dernier film de partir dans un gigantisme, en fait, qui, pour moi, n'avait aucun sens, parce que moi, je ne peux pas me sentir concerné par quelqu'un qui se fait couper en deux... par un train à toute allure alors qu'elle est attachée, par exemple. Enfin, je veux dire, moi, je ressens rien du tout, parce que je sais bien que c'est pas vrai ce que je vois. Alors que là, en l'occurrence, Morgane, s'il te plaît. Non, mais je parle de la scène du film, je parle pas du... Et donc, je parle pas de ce dont parle Robert Ménard, mais... Voilà, merci. Et donc, c'est Morgane qui a commencé. Mais bien sûr, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y avait un gigantisme dans la saga qui me convenait plus. Et là, c'est assez intelligent de mettre des petites scies où ils se coupent un peu, où ils se mâchent un truc. Ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que... moi, j'ai pas peur du tout, quoi. C'est-à-dire que... Ça a jamais fait peur, si, ça a fait peur dans le sens où il y avait quand même un propos sur la folie, un propos sur quelque chose de l'inexorable et quelque chose un petit peu de l'instinct de survie. Là, je trouve qu'en l'occurrence, c'est tellement propre et c'est tellement voilà, propre sur soi, ça ose pas trop faire quoi que ce soit. Et d'un autre côté, ça recycle du fanservice. C'est là pour je parle un peu Star Wars, mais je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de. On va te mettre une scie, là on va te mettre une hache, là on va te mettre un petit peu un plan sur le piège à loup là, pour la bouche iconique de Saw. Je trouve qu'il y a un côté fanservice moi, qui m'a dérangé dans le film. Du genre, oh bah les gens ils aiment Saw parce qu'il y a des scies, on va leur mettre des scies, tu vois. Et moi ça me pose problème, il n'y a pas vraiment d'inventivité je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'inventivité dans les pièges, du coup ça c'est un peu dommage parce que ça a toujours un petit peu la force de la série, mais encore une fois c'est ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les qualités et tous les défauts du film reposent sur des paradoxes, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des qualités, que ce soit bien filmé, que ce soit un meilleur film, que les pièges soient minimalistes, et d'un autre côté c'est des défauts parce que du coup t'es moins dedans, c'est moins crasseux, du coup t'as moins l'impression que c'est un film d'horreur qui te prend, c'est moins spectaculaire, c'est moins... Donc voilà, c'est très difficile de parler de ce film. D'ailleurs, j'ai pas tellement su quoi en dire après l'avoir vu, maintenant que j'y pense. J'ai reçu un peu le même sentiment que quand j'avais vu Les Animaux Fantastiques, sauf que là, en l'occurrence, voilà, je trouvais ça très bien, je savais juste pas exprimer. Alors que là, en l'occurrence, je savais juste pas ce que j'avais vu en sortant de Jigsaw. J'ai pu mettre beaucoup de temps à y repenser pour savoir si j'avais aimé ou non. Avec le recul, avec voilà, j'ai pu écrire dessus et tout ça, et avec le recul, je trouve que c'est très bien de faire revenir la saga comme ça. C'est bien parce que ça fait partir sur une autre direction. C'est vraiment une autre saga qui s'annonce. D'ailleurs, les prochains films, je crois, s'appelleront Jigsaw et plus Saw. D'accord. Okay. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Parce que ça fait vraiment partir de la saga. Jigsaw est puissant. Excuse-moi. Non, mais y a que Morgan pour capter ce genre de truc. Hein, vraiment. Moi, je l'avais pas capté. Moi, mais... J'adore. Jigsaw est puissant. Et donc voilà, ouais. c'est un film qui est composé d'à la fois du meilleur et du pire de ce que je pouvais en attendre. Ouais. Et finalement, je pense que c'est une réussite, même si c'est très difficile à exprimer. Ok, ouais, non mais c'est très bien, enfin t'as très bien expliqué, franchement moi j'ai... Mais faut le voir rien que pour le montage. Non mais c'est comme à l'époque d'Unfriended. Ouais. Faut le voir pour la mise en scène. Oui. Merci ça. Adrien. Tu peux dire un mot sur le... Il y a une mise en scène dans Unfriended. Ouais, j'avais oublié. Voilà. Adrien, s'il te plaît, je t'aime, défends-le s'il te plaît. On apprend tous les jours. Vous voulez que je dise un mot sur Unfriended, mais c'est pas tout. Non. Oui, vas-y. J'ai une question sérieuse. C'est comme moi, tout le monde le sait, je n'ai vu aucun Saw. Est-ce que c'est intéressant de commencer par Jigsaw ou pas du tout? Non. D'accord. Non, clairement pas. Même si, je veux juste revenir sur une toute petite chose, mais, extrême, sauts, mais très très rapide. Je veux juste revenir sur une toute petite chose du film très très rapide. C'est pour ça que j'hésite. Il y a un truc qui est dommage. Il y a un truc qui est dommage. Et ça, c'est quelque chose que je reproche, que je reprochais déjà au que je ne sais plus comment il s'appelait, le X-Men de Ryan Singer. Pas celui, pas le dernier, comment il s'appelle, Days of Future Past, c'est comparable. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand il y a un film qui est sorti que les fans n'ont pas aimé, donc que ce soit X-Men 3 ou en l'occurrence chapitre final, et qu'on l'ignore dans la suite. Là en l'occurrence, il y avait une fin à Saw 7, il y avait un héritier, oui, c'est vrai, clairement, et là on n'en parle pas. Okay. Je trouve ça dommage. Merci Adrien. Je trouve ça dommage, parce que pour moi, effectivement, le film n'a pas été aimé, voilà, la théorie sortait, voilà, des théories de fans Reddit et tout ça, c'est vrai que c'était pas très bien amené. Moi je trouvais que c'était un super twist. Mais même au-delà de ça, de trouver que si on trouve que c'est bien ou pas, même au-delà de ça, c'est pas la question, je trouve ça pas très honnête. On aurait pu dire un mot pour justifier où était le personnage. Mais y a... Et on l'a pas fait, je trouve ça dommage. Vas-y Morgan, vas-y. Oui, alors moi je suis... Mais même avis sur Adrien. Alors par contre, je trouve qu'Adrien, quand tu dis que justement il n'y a pas d'inventivité dans les pièges, c'est normal, je pense que c'est assumé, parce que vu qu'il est question d'héritage, parce que le film devait s'appeler Saw Legacy, Saw Héritage... Ouais, d'ailleurs c'est bien qu'il justement, justement, parce que... Bah surtout en français, Legacy, ça fait un jeu de mots sympa, mais bon, bref. Et je trouve justement que c'est cette idée d'héritier est bien amenée par justement ces pièges qu'on connaît. En plus, moi, je m'étais refait la franchise que je réévalue un peu à la hausse quand même. Par exemple, j'aime beaucoup Saw 4, que je trouve très réussi. Et le 2 est très bien aussi. Oui, il est bien le 2. Non, mais je trouve pas. Mais on fera un classement un jour. Non, il est... Ouais, vous serez tout seul. Hein. Oui. Non, mais surtout le 4, j'ai trouvé vraiment excellent. Mais justement, je trouve que cette idée d'héritier est c'est bien symbolisé par ces pièges qu'on connaît, les pièges cultes, enfin cultes, les pièges emblématiques que John Kramer avait mis en jeu dans les précédents films. Néanmoins, alors je suis d'accord avec toi, exercice de mise en scène très habile. Oh, ok, comme c'est bien fait, j'en venais pas. Hein. Vraiment, j'ai pas vu la mise en scène. Ouais, moi aussi. Et franchement, le twist de fin, et Dieu sait que je m'étais fait toutes les théories du monde, parce que Saw, c'est, voilà, c'est la mécanique de Saw. C'est, voilà, c'est ça. Ça repose sur le twist. C'est l'intérêt de chaque film, que si tu veux tenir une origine à la petite connerie, c'est que tu veux savoir la fin. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben, je peux te dire que j'étais là en me disant, ok, alors il y a ça, je suis sûr que ça va être ça, ça peut être tout. J'ai fait tout. Il y avait un truc auquel j'avais pas pensé, c'était ça. Et là, franchement, bravo. Mais c'est parce bravo, que le film bravo, t'interdit bravo. De le penser, en fait. C'est vraiment exactement. Ça. Exactement. C'est très bien fait. Et du coup, là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quand tu dis que on n'a pas respecté Saw, enfin l'héritier qu'on nous a présenté dans le dernier Saw. Il est vrai. Moi, je trouve qu'il est attendu quand même. Ouais, parce que honnêtement, je sais pas toi Adrien, mais le twist de fin de Saw 7, on le savait depuis la fin du 1. Hein, moi, je te dis, on me l'a dit beaucoup ça. Je dois être complètement con parce que j'avais pas du tout deviné. Mais Ah bah moi je m'en doutais, c'était évident. Mais j'étais content parce que j'adore le personnage, mais bref. Oui, mais c'était. Ouais, voilà, oui. Pour moi, mon propos c'était qu'on aime ou pas, je trouve pas ça bien quoi. Alors par contre, je vais parler en chinois. Ok, on parle bien du. Mais il y a un autre personnage auquel on ne parle pas, c'est justement, tu sais, la fin de Saucette. Oui. C'était la. Voilà, on parle pas de cet autre personnage-là qui était aussi un héritier, si tu vois ce que je veux dire. Un certain Hoffman. On parle pas d'Hoffman, qui avait un rôle important. Bah, c'est un peu normal, je te rappelle que. Oui, mais il fallait en parler quand même. Parce que. Bah ouais. Non, puisque justement. Bah non, c'est vachement intéressant, hein. Non, parce que justement, ils disent bien dans le Jigsaw que y a un héritier. Et pour eux, il y a. Enfin. C'est connu qu'il y avait déjà un héritier. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cet autre héritier qu'on nous a présenté dans Saw 5, du coup, il était connu des services de l'ordre, vu que. Enfin, tu vois ce que. Non ? As-tu compris ma question ? Bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, effectivement, voilà, c'est très bien. Si vous aimez Saw, n'oubliez pas le nouveau podcast de Morgan et d'Adrien tous les jeudis sur Movies Nerd, SawCast. Alors, passons à la suite. Bref, c'était bien. Vous conseillez du coup Jigsaw et de voir Saw à la. Ouais, il est plus à la fiche. Vous voyez toute la saga avant, en fait, c'est essentiel, je voilà. pense. Okay. Très bien. Voilà, et je comprends que vous le fassiez pas. Ouais, faut être motivé. D'accord. Ouais, faut être motivé, voilà. Franchement, je vous excuse. Je veux vraiment. Ou alors, regardez juste les tweets de fin, ça ira très bien. Regarde une compile YouTube, c'est très bien. Il y a une compile des pires pièges. Hein. Il y a une compile des pires pièges. Ouais, c'est comme pour Destination Finale ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, c'est pas aussi fun à regarder. Ouais, c'est clair. Destination Finale 2 est excellent par contre. Hein. Le 2 il est magnifique. Bref, du coup, Adrien, toi tu vas nous quitter. Puisque après nous on va parler de Coco pour le film du mois et il va falloir qu'on se dépêche parce qu'il est un peu tard quand même. Moi j'aime pas le cinéma, je préfère aller. Voilà, ouais, t'es. D'accord. Il s'appelle aussi Coco d'ailleurs. Bref. Coco Zifredi s'appelle. Ouais. Coco. Alors là, Morgan est fan. C'est tout à fait son genre du monde. Donc du coup, est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver avec ton humour du coup que t'as pu démontrer juste avant? Si je leur dis qu'il y a un humour, ils viendront pas. Vous pouvez me retrouver sur smallthings.fr, Adrien Myers de la rue, sur Twitter @zforstuff et sur le podcast des Four Horsemen qui va faire son retour là, puisqu'on va parler très bientôt. D'accord. Des tops de l'année 2017 ou de nos attentes au cours 2018. On sait pas encore très bien comment ça va. En gros, vous faites pas du tout comme nous, quoi. Ouais. Dites-moi, les fins d'année, c'est pour tout le monde. je viendrai aux deux, Edith, t'en fais pas. Mais c'est bon, moi j'ai parlé de Justice League avec toi, c'est tout ce que je. D'ailleurs, j'aurais pas le même top si ça se trouve, je vais m'amuser un peu. Comme ça, je serais pas obligé de faire des compromis, tu vois, c'est très bien. Tu vas pouvoir caser plein de films. Bah, du coup, c'est très bien, merci d'avoir participé, du coup. Ouais, merci à vous. Et on se retrouve prochainement pour la fin du fin de l'année. Oh là là, j'ai vraiment du mal. Pour la fin de l'année. Salut Adrien. Salut, merci. Au revoir. On passe au film du mois qui est Coco. On est donc à la rubrique du film du mois et on va vous parler du film Coco, le dernier né des studios Pixar. Ce film réalisé par Lee Unkrich, qui est derrière certains films que vous connaissez peut-être, comme Toy Story 1 à 3, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Cars. Voilà, les quatre bases de Pixar, j'ai envie de dire. Ah non, le Monde Toy Story de Nemo, 2, c'est mais... Stanton, non? Mais il est Après, il y a beaucoup de co-réalisations sur Pixar. Ouais, voilà, il y a eu beaucoup de co-réalisations, mais en tout cas, il a été dans ces cercles-là. Donc c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. Donc voilà, il est sorti en France le 29 novembre 2017, donc toute fin de novembre. Le casting, je vais pas vous le dire, vous cherchez sur Wikipédia, parce que c'est trop compliqué pour les films d'animation. Et ensuite, musique Michael Giacchino quand même, hein, on va le préciser, ouais. Parce que c'est magnifique comme d'habitude avec Michael. Donc voilà. Et moi, je vais laisser la parole à Morgan, puisque toi tu n'avais pas vu les bonnes annonces, tu en attendais pas grand chose, enfin tu savais juste que c'était Pixar, et du coup t'as été assez surpris. Vas-y. Si, muchachos. Ah. Alors, j'avais envie de la faire quand même. Oui, mais... si. Alors, oui, j'ai été surpris parce que voilà, j'y suis allé sans voir les bandes annonces, comme tu l'as dit, en sachant que ça parlait de la fête des morts. Mais pour moi, si vous voulez, j'ai même pas besoin de voir une bande annonce d'un Pixar. Parce non, que mais on sait qu'on rien va aller que le voir, fait de savoir que c'est Pixar. On y va. Enfin, personnellement, bah j'y oui, vais. On y va tous. Donc, je garde Pixar voilà, en mémoire le magnifique, l'audacieux Vice-Versa, sorti en 2015, ouais. Qui est un grand film. Mais avec Coco, je n'ai pas vu un grand film, j'ai vu un chef-d'œuvre. J'ai vu un pilier instantané du cinéma d'animation, un pilier instantané des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Punaise. Et donc, vous l'aurez bien compris, le meilleur film que j'ai vu cette année. Pour ouais, l'instant, l'année n'est pas encore terminée. Ah oui, totalement. Ouais. Non, je suis assez. Enfin, je savais que tu avais beaucoup aimé, mais à ce point-là, ça m'étonne quand même un petit peu. Donc, mais, c'est-à-dire, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois depuis longtemps. Vous savez, je suis pas là à dire que le cinéma d'animation, ça me procure moins d'émotions que les vrais non, films. C'est pas ce que je dis. Au contraire. Non, au contraire. Mais je n'ai jamais eu une telle dose d'émotion qui surpasse, par exemple, on parlait de Vice-Versa en 2015. Mais en 2015, il y avait eu Au-delà des montagnes, par exemple, qui était mon meilleur film de l'année, qui m'avait... Mais que là, avec Coco, j'ai eu ce que j'ai eu d'ultime à tous les niveaux. Aussi bien dans le propos, dans la profondeur des propos, dans la beauté des personnages, dans la beauté de la mise en scène, dans la musique aussi, et surtout dans les émotions. Et les émotions transparaissent par les personnages. Et là c'est... on va saluer aussi la beauté, même la perfection technique du film. Ce qui fait que voilà, la profondeur des regards, toute l'émotion qui est véhiculée dans des regards qui sont pourtant des regards en numérique, ça dit des choses. Et là, si ça peut... Enfin, si ça peut... Après, on est réceptif ou on ne l'est pas. Mais ceux qui sont un petit peu réducteurs envers le cinéma d'animation, qui disent que c'est juste de l'animation, donc il n'y a pas d'émotion. Pour moi, c'est faux. Parce que le cinéma d'animation peut procurer autant, si ce n'est plus, la preuve, en tout cas, je parle dans mon cas personnel, d'émotion que dans des films avec des humains de chair et de sang. Voilà, ça, c'était un avis, je tenais oui, à le dire. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai adoré dans Coco ? Absolument tout. Comme je l'avais dit sur Twitter, c'est pour moi aussi bouleversant qu'un Toy Story 3, aussi drôle qu'un Monstre et Compagnie, parce que c'est un film qui est drôle, et c'est aussi audacieux qu'un Vice-Versa. Et c'est ce que j'aime chez Pixar, c'est quand ils me parlent de sujets pas forcément facile d'accès pour un jeune public. Hein, Vice-Versa, ça parlait de dépression, fallait oser. Là, on parle de mort, mais avec tout ce que ça implique de poésie et tout ce qu'on attend de poétique, forcément, oui. D'humoristique, mais aussi, c'est assez brutal, c'est assez frontal quand même. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils osent à ce point-là, quoi. C'est pas vraiment édulcoré, c'est montré avec une touche de folie, avec des personnages qui sont hauts en couleur. Le personnage principal qui s'appelle Miguel, pour moi, c'est un de mes personnages préférés dans l'histoire de l'animation chez Pixar, clairement. Ouais. Je le préfère même à Andy de Toy Story 1, hein, mais vraiment. Je le mets au même niveau que Boo, au même niveau que Nemo. Ah ouais. Enfin voilà, c'est. Ouais, ah oui, vraiment, quand je dis que ce film. Pardon. Minou Il est trop mignon. Ne pète pas un boulon. Pardon. C'est génial. Je vous aurais à l'heure. Et tu sais que dans les personnages Pixar, si je devais te trouver un alter ego, je pense que ce serait Bob en plus. Ouais. Ah bon ? Ben ouais, la même énergie, le même humour. Ah ouais, Bob. Ouais. Oh, c'est gentil. Voici l'arracheur de cris. Sa folie dit bonjour. Bonjour. Je connais, voilà, c'est voilà, bah, Pixar, voilà, ça reste dans la mémoire. Et donc du coup, donc est-ce qu'on resitue un peu l'histoire, voilà, ça se passe pendant la fête des morts, Coco, il y a sa famille qui a un lourd passé avec ses héritiers, enfin non, ses ancêtres, pardon, parce qu'il voilà, il fabrique des chaussures de génération en génération. Il fabrique des chaussures. Et voilà, en fait, l'arrière-grand-mère de Miguel, j'allais dire Coco, mais du coup, la mère de Coco a été quittée par son mari qui est parti en fait poursuivre son rêve d'être musicien. Et du coup, la musique a été bannie de cette famille. Alors que la musique est une part très importante de la culture hispanique en général, dans mondiale, toutes les familles. Mais ouais, mais vraiment, cette dimension. Surtout au niveau du jour des morts, c'est vraiment très important. Donc voilà. Donc c'est la seule famille qui n'a pas de musique, pas le droit d'écouter, pas le droit d'en faire. Et du coup, Miguel, son rêve, lui. C'est de devenir guitariste. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est le nombre de twists qu'on voit pas venir. Carrément. Alors, sauf un des premiers, oui. C'était un peu évident. Oui. Le premier mais alors, était voilà. Évident. Mais voilà. Sinon... Et bah, voilà. Encore une fois, c'est pas juste subjectivement émouvant, c'est pas juste subjectivement beau, etc. C'est surtout bien écrit. C'est-à-dire que le scénario est excellent. Il est bourré de rebondissements qui sont imprévisibles. Et qui disent énormément de choses. Alors c'est dommage qu'on peut pas aller dans une catégorie spoiler parce que on en parlera en off après parce que le film en fait m'apparaît. Je préfère pas spoiler parce qu'il est pas sorti il y a pas si longtemps. Exactement, et je préfère que les gens aillent le voir. Ah bah c'est sûr. Oui. D'ailleurs, ils vont le voir, il me semble que le film marche. Oui. Mais ce que j'aime bien dans ce film-là, voilà, c'est toute la profondeur, toute la beauté. Voilà, ça parle du deuil, ça parle aussi de notre devoir de se souvenir. La transmission. Voilà, voilà, la transmission. Se souvenir des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. C'est-à-dire avoir une pensée pour eux. Et je trouve que c'est magnifiquement métaphorisé. Enfin, voilà, moi, la mort, c'est quelque chose qui me parle quotidiennement parce que ça fait partie d'une de mes angoisses. Et voilà, même encore récemment, la mort de Johnny Hallyday m'a affecté parce que, bah voilà, je me dis que personne n'est immortel, même lui, la preuve. Donc du coup, et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont de nos morts? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ils continuent à vivre en nous? Et je trouve que c'est la dernière fois qu'un film avait autant parlé aussi bien de la mort, c'était Le Roi Lion. Enfin, en tout cas, dans le cinéma d'animation, hein, clairement. Je trouve que on retrouve la profondeur, une profondeur équivalente à ce film-là, une profondeur émotionnelle, une profondeur d'écriture, de personnages. Et voilà, tout ça est orchestré dans une ambiance hispanique absolument réjouissante, radieuse, merveilleuse, enthousiasmante, avec des airs de guitare, des moments musicaux qui sont gracieux et magnifiques. Voilà, la BO, les chansons additionnelles, Un Poco Loco, une chanson que j'arrête pas de chanter, qui tourne en boucle dans mon téléphone. Pour moi, c'est un grand film, c'est un immense chef-d'œuvre, le meilleur Pixar depuis Toy Story 3. Et même, je préfère même Coco à Toy Story 3. Donc, le meilleur Pixar depuis Le Monde de Nemo. Voilà. Pour moi, c'est d'emblée mon film de l'année. C'est tout ce que le cinéma peut m'offrir de bien. Et vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais à avoir un beau film. Mais à ce point-là, qui me touche à ce point, mais qu'il aille aussi loin dans la technique, dans l'émotion, dans la profondeur. Et voilà. Et le scénario est bien écrit. Voilà, les twists sont imprévisibles. Je trouve que c'est plutôt osé. Les personnages, voilà, sont attachants. Voilà, il y a le personnage... Enfin, il y a des personnages qui sont émouvants, d'autres qui sont un peu fous, qui font voilà, il y en a, c'est des running gags et tout. Ah punaise, c'est Harry Habitant qui double Hector. Oui, ouais. Putain, je me suis pas rendu compte alors que. J'ai reconnu sa voix et j'ai trouvé vraiment très bien, franchement. Alors que il m'insupporte souvent, mais alors là, je l'ai pas reconnu, hein, personnellement. Ouais, non, mais il est très bien voilà, je trouve que les scènes d'émotion marchent. Je crois que la scène de fin, mais c'est... Et en plus, je pleurais pas vraiment, c'était pas la petite larme. Je pleurais vraiment. J'étais en larmes. J'avais la gorge nouée, j'avais la joue trempée. C'était... Après, c'est tellement subjectif de non, dire ça. Non, mais ça, c'est vraiment... Oui, c'est extrêmement subjectif. Et voilà, et vraiment, la fin est... est belle. Et moi qui suis passionné de musique, et d'ailleurs j'ai pensé à toi tout le film Axel, je me suis dit, toi qui es passionné de musique, ce film-là a dû te plaire. Et voilà, pour moi c'est le plus beau film qu'on verra cette année, c'est un coup de maître. Voilà, bravo Pixar, vous m'avez encore épaté. Et qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois, quoi ? Ce Vice Versa, c'était un cap. Là encore plus, je me demande ce qu'ils vont faire. Hein. Là, bravo, ouais, magnifique. Non. J'applaudis. Muchachos, applauditos. Voilà. Très bien. Moi, je vais rapidement parler avant de laisser la parole à Eddie. Donc, moi, je l'ai vu hier soir. Et pour être honnête, je sais que j'ai aimé le film, mais j'arrive pas vraiment à m'en remettre pour l'instant. Je sais pas vraiment. Qu'est-ce que j'en ai pensé au fond ? Il faut que je le revoie. C'est vraiment, ça fait partie de ces films où, alors déjà Coco, c'était ma plus grosse attente de l'année. S'il n'y avait pas eu Star Wars, ça aurait été ma plus grosse attente de l'année. Je l'attendais alors qu'on n'avait aucune image, qu'on avait juste le titre, parce que je savais que ça allait parler de la fête des morts mexicaine, et que, enfin moi, j'aime beaucoup le folklore mexicain. Et principalement tout ce qui se passe autour de la fête des morts, donc Dia de los Muertos, au niveau graphique, au niveau de la musique, etc. Je suis j'aime ça depuis très longtemps, et j'étais content que Pixar, un de mes studios d'animation préférés, s'attaque à ce thème, parce que je trouvais justement qu'il pouvait en retirer tellement de bonnes idées que c'était fait pour eux. Et ils m'ont pas fait démentir, hein. C'est vraiment un film bourré d'idées, rempli vraiment de... Mais en fait, je suis vraiment d'accord avec toi, Morgan. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était mon film Pixar préféré. Ah non, moi non plus, c'est pas mon Pixar préféré, mais c'est un des meilleurs, c'est pour moi le meilleur depuis Nemo. Hein. Voilà, en fait, toi tu as dit au tout début que, si je me souviens bien, que Vice Versa c'était un excellent film, un et Coco film. C'était un grand film, et Coco c'était un chef-d'œuvre. Et voilà. pour moi c'est, pour l'instant, comme j'ai pas revu Coco et que j'ai besoin de le revoir, pour moi c'est un grand film Coco, et Vice Versa c'est toujours le chef-d'œuvre qui m'a bouleversé, qui m'a foutu une grosse claque quand je l'ai vu la première fois. Ce film, enfin Coco, c'est vraiment un film qui a été fait. Il y a tout ce que j'aime dedans. En plus, au niveau de la guitare, c'est vraiment super bien fait. On n'a jamais vu ça en animation. Ils respectent vraiment les cordes. Alors, bien sûr, je fais autant de guitare que je fais de sport, donc vraiment pas beaucoup. en tout cas, quand on en a fait un petit peu, on peut voir qu'ils ont vraiment respecté ça, et que ça rend quelque chose visuellement qu'on n'a jamais vu, quoi. Donc, bon, de toute façon, c'est un peu cliché de dire ça à chaque Pixar, hein, de toute façon, mais ils nous foutent toujours une claque visuelle, enfin une claque, il y a toujours une claque visuelle assez impressionnante, que ce soit au niveau des visages, de l'eau, des textures, enfin des animations, des personnages, vraiment il y a tout est magnifique vraiment, et à chaque fois on a l'impression qu'on passe des caps. Alors maintenant j'ai l'impression j'avais toujours l'impression de passer un cap encore avec celui-là, par rapport même à Vice Versa. J'ai pas vu Cars 3, donc je peux pas comparer, mais même par rapport à Vice Versa, mais voilà, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je peux dire encore, parce que j'ai vraiment été bouleversé par le film, et en même temps franchement j'ai besoin de le revoir, parce que je suis pas vraiment sûr de ce que, parce que j'en attendais tellement et je me suis pris tellement de bonheur en même temps que j'ai besoin de me calmer un petit peu et de le revoir un peu plus au calme. La musique est vraiment sympa, vraiment cool. Moi j'écoute ça depuis hier soir dans la voiture, partout pour aller au travail. J'écoute que de la musique des boleros, enfin des trucs des vieilles chansons mexicaines, etc. D'ailleurs Spotify, il y a des bonnes playlists déjà faite, hein, si vous y connaissez pas trop, c'est plutôt sympa, ça permet de découvrir des artistes, voilà, moi j'ai juste envie de le revoir peut-être en version originale, je l'ai vu en VF, et même si les chansons en VF sont plutôt sont vraiment bien, j'ai envie de voir à quoi elles ressemblent dans leur version originale. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. De toute façon, je pense que j'en reparlerai quand je l'aurai vu une deuxième fois durant le podcast bilan de l'année 2017, puisque de toute façon, on en reparlera, puisque je pense qu'il sera dans nos tops respectifs, Morgan, à Eddie sûrement, oui. Et à moi. Voilà. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Eddie. Bah, du coup, vous avez dit beaucoup de choses. Ouais. Désolé, hein, c'est un peu dur de passer dernier, je sais. comment dire ? Bah, pour faire simple, moi, ça va paraître gros et tout, mais j'ai presque envie de dire que c'est touché par la grâce, quoi, en fait. Ouais. Tout est beau, quoi. Il n'y a pas de fioritures, tout fonctionne bien et comme le disait Morgan, c'est autant l'univers que l'histoire, que l'écriture, que les personnages, que les chansons. Enfin, rien n'est laissé au hasard. Les chansons racontent quelque chose autant que les péripéties, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une comédie musicale non plus. Il y a rien de gratuit, non, en mais... fait. Ouais, mais c'est vrai que de voir Pixar se lancer dans ce genre de film un peu plus musical, c'est assez surprenant. Et c'est Disney, hein, je trouvais. Bah, ouais, mais ça leur va bien. Ouais. Ça leur va bien, ça leur va très bien. Ça leur va bien et on sent, oui, un peu une influence Disney, c'est vrai, par rapport aux chansons. Mais en même temps, c'est les chansons qu'on ne retrouverait pas dans un Disney non plus. Ah non, mais c'est clair. Donc non, c'est un film qui a vraiment son identité, ça ressemble à aucun autre Pixar. Ça ressemble pas vraiment à un autre film d'animation, d'ailleurs, de toute façon. Après forcément moi j'ai beaucoup aimé tout l'univers autour, parce que c'est vrai qu'ils ont su utiliser intelligemment tout le folklore mexicain sur la fête des morts. Ils sont pas tombés dans la facilité de se dire un peu comme chez Burton, même si c'est pas une facilité, mais où le monde des morts en fait est plus vivant que le monde des vivants. Ouais, Que finalement, Coco, enfin, son objectif, c'est de retourner dans son monde à lui, le sien. Eux, ils ont plus axé ça justement sur le souvenir, en fait. Que le monde des morts est beau, mais donc c'est bien, parce que c'est positif quand même. Il marque, c'est pas un film qui va traiter la mort comme une finalité. Oui, voilà. Et ça, c'est en fait, super. Ouais. C'est ce que je pensais quand Morgan disait oui, ils vont jusqu'à traiter la mort. Et moi, je pense qu'ils ont fait le très bon choix de choisir ce folklore, justement, qui fête la mort comme. Enfin, il y a d'autres cultures, par exemple la culture indienne, où la mort c'est vu différemment qu'en Occident, etc. Mais la culture hispanique et mexicaine, plus de toute précisément. Façon, en Europe, on a un gros souci avec ça. Hein. Nous, c'est. Oui, ouais. Enfin, la Toussaint, c'est quand même hyper déprimant, quoi. Ouais, voilà, notre par culture rapport à catholique, parce que ouais, bon, après, c'est... Enfin, l'Europe, c'est ça, c'est culture catho, et du coup... Chrétienne, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pas la même que dans le reste du monde. Chez nous, c'est très solennel, très froid, alors que dans d'autres pays, c'est complètement différent. Et pourtant, au Mexique, la population est très catholique. Oui, hein, mais donc, elles célèbrent pas leur foi de la même façon. C'est ça, voilà. Et donc, Coco parle pas forcément de la foi, mais il y a de la spiritualité aussi, quand même, qui est abordée. Un petit peu, ouais. Justement, sur le souvenir. Mais ce qui est bien, c'est que le Dia de los Muertos, il l'enferme pas dans une religion, en plus. Donc, et heureusement, ça aurait été surprenant de la part de Pixar. Non, mais non. Ouais. Et après, vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est le traitement de l'émotion. Aussi, parce que c'est un film qui repose beaucoup sur ce qu'il transmet en termes d'émotion. On savait que Pixar, ils étaient assez malins et assez forts là-dessus, parce que les seules fois où ils se sont permis, par exemple, de la chanson, moi j'ai en tête Toy Story 2 avec Jessie, oui, Toy Story, ouais. Où cette chanson, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, elle n'est pas là gratuitement. Et c'est un peu le temps fort du film. Enfin, l'un des temps forts du film, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, encore une fois, ils traitent l'émotion pour toute la famille. Donc, c'est accessible pour les enfants. Et en même temps, c'est si t'es adulte, tu trouveras pas forcément ça niais, en fait. Ah non, mais clairement. Parce que c'est intelligent, parce que c'est bien écrit, quoi. C'est, enfin, moi, je sais que la scène finale, enfin, le climax de fin, ouais. Sans spoiler, comment dire. Comment ça se passe Bah, Miguel avec sa grand-mère, finalement. Ouais, enfin, son arrière-grand-mère, du coup, Coco. Ah oui, c'est ça. Mais Coco. Voilà. Et bah, moi, ça m'a vraiment beaucoup ému, parce que j'ai pas. Ça m'a surpris, parce que j'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais ça pointait plus, vraiment, quoi. Je sentais que c'était là et qu'il fallait plus, parce que ça allait. Ça coulait. Mais. Ça m'a beaucoup touché, parce que bah, ça fait aussi référence. Moi, je travaille avec les personnes âgées. J'ai pensé à toi quand j'ai. Quand et ben, bah, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, en fait. Ça se passe vraiment, ces choses-là. Des personnes qui parlent quasiment plus, qui ont pas forcément de. Qui c'est pas des légumes, c'est parce qu'ils en sont pas à ce point-là. Enfin, notamment sa grand-mère dans le film. Mais on sent qu'elle est absente, quoi. Elle est ailleurs. Ouais. Et il y a des gens, quand ils sont stimulés, notamment par le biais de l'émotion... La musique. Ou la musique qui justement, est liée à quelque chose, ou les animaux, ou n'importe. Il y a des vraies réactions. Et c'est hyper impressionnant, parce que quand on le voit en vrai, c'est... Enfin, moi, ça m'était arrivé lors d'une animation. J'avais une dame qui était, c'est pas qu'elle était renfermée, mais c'est qu'elle était complètement à l'ouest, quoi. Il y avait l'âge qui était là, il y avait le parcours de vie aussi qui était pas forcément évident, et bon, elle est décédée maintenant, cette dame, mais lors d'une animation, j'avais été surpris, enfin, je faisais une dictée, c'était celle qui avait le mieux écrit, il y avait aucune faute, c'était vachement bien, c'était propre, quoi, c'était lisible, alors que les autres que tu penses mieux, en fait, ce sont pas... Et ça m'avait bluffé, et cette scène-là m'a beaucoup fait penser à ça, parce que je me dis... Enfin, je revoyais, en fait, ma résidente. Du coup, ça m'a vraiment ému. C'est vrai que ce passage-là... tout le film est émouvant, mais ce passage-là particulièrement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça touchera aussi... Tous les gens qui ont été un peu confrontés, en fait, à avoir des parents ou des proches qui sont sujets à tout ce qui va être Alzheimer ou un petit peu de démence, ça remue un peu. Donc moi, c'est vrai que le film de toute façon me parlait déjà à ce niveau-là. Mais après, tout ce qui vient avant, c'est intéressant aussi, parce que comme le dit Morgan, ce qui était bien aussi dans le film, c'est de montrer que la mort n'est pas forcément une finalité. Finalement, ça, c'est la vie de chacun. Eux, ils ont choisi de le montrer comme ça, et c'est tout à leur honneur. Et aussi évoquer le fait que le souvenir, c'est très important. Parce que dans le film, c'est le souvenir permet de rester, en gros, quoi. Pour dire grossièrement, sans spoiler aussi. Ouais. Mais ce que ça traduit, c'est que le souvenir des proches est important, bien sûr, mais c'est le souvenir en général, quoi. Le souvenir, c'est aussi l'histoire. C'est ne pas oublier le passé pour vivre actuellement, en fait. Pour vivre le moment présent, c'est important de se rappeler de ce qu'il y avait avant. Ça, c'est important. Je pense que c'est même... Là, ils ont vraiment mis un doigt sur un sujet fort, parce que c'est ce qui fait finalement... c'est ce qui régit un peu nos vies à nous aussi. Enfin, quand on est proche de sa famille, on pense forcément à ceux qui sont partis, à ceux qui vont peut-être partir bientôt. Et du coup le film est assez intelligent là-dessus, pour nous dire, bien sûr, c'est dur, mais c'est pas forcément... Enfin, il faut se dire que c'est pas forcément... la fin, quoi. C'est ce qui est bien dans le film, c'est que la mort n'est pas la fin. Oui, voilà. Oui, et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la thématique qu'il traite le plus justement dans le film. Alors bon, tout est bien traité, mais ça, ils ont vraiment su le mettre en scène, et puis c'est accessible, quoi. Même un... dans la salle où j'étais, il y avait des enfants qui posaient beaucoup de questions à leurs parents. Je pense qu'ils étaient quand même trop petits. Mais je pense qu'il y a des enfants qui ça peut les faire réfléchir aussi. Et justement, le fait que Pixar parle de la mort, je pense pas que ça soit... Enfin, il y a des parents qui se posaient la question, est-ce que c'est déconseillé ou pas pour les enfants ? Ben non, parce que... Tu peux en parler à tout âge. Hein. Et puis il faut suffit surtout de savoir comment en parler. Les enfants, ils se questionnent beaucoup, et je pense que c'est important. Ces films-là, faut aussi les voir comme des alliés, en quelque sorte. Ouais, c'est une manière d'illustrer et de montrer les choses sans que ça soit brutal et pourtant c'est sans concession. Il y a une scène dans le film où on apprend quelque chose. C'est vrai que c'est assez bon, c'est pas que c'est brutal, mais c'est voilà, on y a pas de chichi, quoi. C'est pas enrobé. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. L'animation, ouais. C'est fou. L'univers coloré, les créatures aussi. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et Diego aussi, bon, voilà, je voulais le dire. Diego, il est génial. Le chien. Dante, oh oui. Là là. Je commence à être fatigué. Alors, Dante, oui, voilà, le chien. Ouais. C'est peut-être le... Oh, s'il devait y avoir un point noir, ce serait peut-être le chien qui n'a pas forcément beaucoup d'utilité. Ouais. Mais bon. Ça reste un personnage sympathique. Il est là pour amener la caution mignon, voilà, c'est ça. Et c'est pas le... Est-ce qu'il est bien... Mais il m'a touché, ce chien. Il m'a touché à un moment donné. Il y a une scène où il est rejeté à un moment donné. Oui. J'ai pensé à mon chien, j'étais pas bien. Et puis, ils ont pas... là, encore une fois, ils vont pas dans la facilité. Ils ont pas pris un labrador. Enfin, c'est vraiment un chien qui est... Ouais, un chien de rue. Oui, voilà, qui est pas... Bah, qui est assez lancé, qui est pas... C'est pas une peluche, quoi. Donc voilà, que dire de plus. Moi après j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur le parti pris aussi des visages des ancêtres. C'est pas juste des squelettes, mais il y a ce côté masque aussi. Qui est propre du coup au... absolument attaché au jour de la mort. Voilà. Et moi ce que j'ai aimé aussi dans le film, et ça c'est important parce que j'en avais parlé un peu avant sur d'autres Pixar, c'est que c'est un Pixar qui est visuellement très beau, mais qui n'est pas non plus dans l'hyper-réalisme. Non. Voilà. Oui, il reste dans le cartoon. C'est cartoon, mais c'est beau, c'est tangible et c'est crédible, quoi. Tout ce qu'on voit est crédible, mais c'est cartoon. Et c'est bien aussi, parce que moi j'aime que Pixar nous montre qu'ils sont capables de faire des trucs absolument dingues en termes d'animation et de rendu visuel, comme c'était le cas sur... Le moment où ils rentrent dans le monde des morts, c'est... impressionnant, enfin le nombre de choses qui sont affichées mais qui à l'écran, surtout. Et qui bougent, qui sont vraiment animées. Parce que c'est pas juste une loquette orangée par-ci par-là, c'est des feuilles qui volent. Oui, voilà, c'est ça. C'est des pétales qui volent. Faudrait prendre une loupe, faire pause sur, sur le projecteur et regarder tous les petits détails parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs. Maintenant, et on le sait, hein, Pixar c'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est clair, hein, c'est des bijoutiers quasiment. C'est vraiment. Ils travaillent leurs trucs dans les moindres détails. Enfin, il n'y a pas une séquence où un film Pixar ne. Il n'y a pas une séquence en dessous de l'autre, quoi. Non, mais oui, c'est clair. Et c'est fort. Et après, quand on voit d'autres films d'animation à côté de ça, par exemple, moi, j'ai vu la bande-annonce de Ferdinand avant. Ça fait vraiment mal, quoi. Alors, bien sûr, ils n'ont pas les mêmes budgets, mais... Et encore, Ferdinand, ça va à peu près. Hein. Ouais, Ferdinand, ça va encore. Il y a les As de la Jungle, par exemple. Un truc français, là, ça fait mal aussi. Hein. C'est quelque chose de français, apparemment, c'est pas si mal que ça, mais bon, voilà, quoi. Après, c'est un peu dur de comparer Pixar aux autres. Voilà. C'est vrai que, eux, ils mettent la barre très haut, mais bon, ils ont les moyens aussi derrière. Ils ont les moyens, ils ont Disney derrière. Voilà. Et puis, Disney sont pas cons, ils ont bien compris qu'ils pouvaient leur laisser carte blanche... je pense qu'à ce bout à mon avis, moment, Pixar, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent faire un Pixar sur le cannibalisme, ils ont le droit, quoi. Bon, peut-être pas, mais... Pour donner un ordre d'idée, ils ont carte blanche sur à peu près tous leurs projets, quoi. Mm. Donc ouais, non, Coco, c'est oui, c'est, je pense oui que c'est certainement le plus beau film de l'année. Après, est-ce que ce sera mon film de l'année? Je sais pas encore. Tout est pas bien défini. Ouais, il y en a quelques-uns, je pense qu'il faut que je les revoie. Donc j'espère que le Père Noël m'apportera ce qu'il faut pour pouvoir les revoir aussi. Que dire d'autre sur Coco? Bah non, quoi, c'est... Je crois qu'on a déjà dit pas mal. Oui, c'est ça, c'est encore une merveille de la part de Pixar, quoi. Après, ouais, de là à dire que je les préfère à d'autres, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je l'achèterai en Blu-ray, c'est obligatoire. C'est compliqué, parce qu'on a tous un rapport particulier avec un film Pixar. Ouais, c'est clair. Ouais. Celui-ci, oui. Je sais pas si ça m'aurait autant touché. L'âge que j'ai maintenant, oui, c'est clair que c'est tout à fait le genre de Pixar que j'ai envie de voir. Ouais, C'est clair. Voilà. Donc, de toute façon, on a tous un Pixar préféré. Mmh. Et puis même, c'est dur de les classer. Hein. Oui. C'est très dur de les classer. Après, bien sûr, voilà, si je veux comparer, j'ai préféré Coco cette année au Monde de Dory l'année dernière. Ce qui n'a rien à voir, et pourtant j'ai beaucoup aimé le Monde de Dory, c'était un super film, mais ça n'a pas la même ambition, là c'est une vraie création originale, et j'ai pas vu La Légende de Manolo, et moi je pense que c'est différent, et j'avais peur moi de trouver quelques liens avec Les Noces Funèbres, et en fait ça n'a rien à voir. Même l'univers des morts est complètement différent, donc ils arrivent à se réinventer, et c'est d'autant plus fort parce que du coup ils se réinventent même par rapport à d'autres films qui traitent à peu près des mêmes sujets et à peu près de la même manière, et eux ils arrivent à refaire encore autre chose, donc c'est cool. Oui, ils font un peu différent quand même par rapport à La Légende de Manolo. C'est aussi un très bon film, hein, mais c'est différent par rapport à Coco. C'est pas la même chose. De toute façon, vous allez nous entendre en reparler dans le podcast de bilan 2017, ça c'est sûr à 100%. Moi, je l'aurais vu une deuxième fois du coup, et je pourrais me faire un vrai avis dessus entre temps, même si bien sûr, j'ai vraiment aimé le film on vous conseille tous d'aller le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. S'il y avait un film d'animation à voir cette année, il est là. Hein. C'est clairement le film d'animation de l'année. Voilà, on a fini avec le film du mois et on va passer à la Minute Nerd. C'est parti. Dernière rubrique de ce podcast, c'est le moment de la Minute Nerd, et ce mois-ci c'est Eddie qui va la faire, donc je te laisse la parole. Nous ne savons absolument rien sur ce que tu vas dire, donc tu as la libre antenne pendant 5 à 10 minutes. Je pense que ce sera assez court. Moi j'ai choisi à l'instant. J'avais complètement zappé que c'était mon tour. J'ai choisi de vous parler d'un petit documentaire que j'ai vu sur YouTube. C'est fait par une chaîne YouTube qui s'appelle Tistria, T-I-S-T-R-Y-A. Pardon. Pas la boule noire, Morgane. qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, je vais faire un peu le lien avec Coco parce qu'on parlait de la mort. Et c'est un documentaire qui s'attache à parler. C'est un recueil de témoignages en fait, qui s'attache à parler des expériences de mort imminente. D'accord. Voilà. Ouf. c'est pour Morgane, effectivement. c'est pas du tout morbide. Hein. Non, mais c'est pas morbide dans le sens, les gens qui témoignent ne sont, enfin, pas morts. Hein, j'imagine que c'est pas ça. Non, au contraire, c'est sous un angle vachement positif. Parce qu'en fait, c'est les témoignages de... Enfin, est-ce que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'une expérience de mort imminente ? Personnellement, je peux avoir un petit concept, mais là, en comme gros, ça... Ouais. Par exemple, il me semble qu'il y a un cas dans le documentaire où... La combustion, c'est pas genre combustion spontanée, ah non, pas du tout. Des choses comme ça. Ah non, okay, c'est complètement autre chose. C'est admettons quelqu'un qui va avoir un gros accident de voiture, qui doit subir du coup une grosse opération. Et ben, il y a des gens qui en fait témoignent d'un phénomène assez particulier. Ils se voient sortir en fait de leur corps. Ils se voient en fait sur la table d'opération et racontent en fait ce qui se passe. Dans ces moments-là. Je suis désolé, je vais faire une blague sur Enter the Void pour ceux qui l'auront vu. Donc, les 30 dernières minutes de Enter the Void. Vas-y. Ok, bon, bah voilà. Et du coup c'est vraiment un recueil de témoignages de ça. Ça dure une heure et demie. Et c'est vachement intéressant parce que c'est des gens qui ne se connaissent pas. Il y a le regard aussi de certains scientifiques qui se posent sur la question parce que c'est un phénomène qui touche toutes les cultures. Tous les pays, et du coup il y a de plus en plus on se pose la question de savoir à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est vraiment chimique ou est-ce que c'est plus du terme du paranormal entre guillemets, ou quelque chose qu'on n'est vraiment pas encore en mesure d'expliquer, quoi. Ouais, ça pourrait pas, parce que en fait moi ça ressemble un peu au phénomène qu'on peut avoir par rapport à la mémoire quand on a une scène qu'on a vécue, mais qu'on a l'impression de la voir de l'extérieur. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, je sais pas si tu vois à peu près de quoi je peux parler, mais tu sais que t'as vécu ça, mais tu le vois de l'extérieur, tu vois toi. Mm-hmm. Tu vois pas comme tu l'avais vu à l'époque. Oui, c'est ça, t'as un avis, un genre de recul, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, et je sais pas si ça peut être lié à ça, à la je mémoire. Je sais pas du tout. Ça, bon, le documentaire donne pas forcément de réponse là-dessus, mais c'est vraiment capter les diverses expériences et les réunir. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup plu. Après, c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est vraiment si c'est un sujet qui vous intéresse. Ou moi, je suis pas forcément obsédé par l'idée de la vie après la mort, tout ça. Ça m'intéresse, mais c'est pas l'une de mes passions. Mais c'est vrai que j'étais tombé dessus comme ça un après-midi et j'avais regardé, j'étais resté dessus, j'avais un peu bloqué dessus. Et c'est vrai que c'était vachement vachement bien, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément fait. Les gens, encore une fois, ne le rattachent pas forcément à une religion en plus. Oui, voilà. D'accord. Ils vont dire on a l'impression d'être dans une autre dimension un peu particulière, mais c'est pas, ils vont pas te dire on est avec Dieu ou non, c'est très accessible, c'est entre guillemets laïque comme documentaire. voilà, bon, donc oui, je voulais parler de ça parce que du coup je trouve qu'après Coco ça pouvait être un lien intéressant. Donc Coco a bien fait de sortir, parce que ça m'a permis de trouver ma minute nerd. Bah, très bien. Du coup, c'est Tistria, la chaîne YouTube. De toute façon, je donne le lien. Et le documentaire, du coup, ça s'appelle En conscience. Ok, très bien. Voilà. Donc de toute façon, et il y a le lien. Et je l'avais conseillé à Morgane il y a un petit moment, je crois, d'ailleurs. Et il s'en souvient oui, pas. Oui, tout à fait. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais oui. Ok, bah, du très coup, bien. Ça te fait une bah voilà, donc... mais c'est pas déprimant du tout, hein, sincèrement. Au contraire, c'est rassurant, même, j'ai envie de dire. Si on est réceptif à ces trucs-là. Donc, c'est plutôt cool. Très bien. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans l'article. Voilà. Et du coup, nous, on va passer à la fin de ce podcast. On est donc à la fin de ce podcast qui semble interminable. Il y a eu pas mal de off aussi. Oui, hein. Y a eu, y a eu pas mal de off, il y a eu pas voilà, etc. Des choses qu'on aura, des choses qu'on aura coupées entre temps parce qu'on aura repensé à ce qu'on a dit. T'as gardé tous les rushs là depuis le début de l'année ou pas? Oui, mais même depuis le début qu'on a commencé à enregistrer. Il faut vraiment faire un bêtisier, hein, parce que... Ouais, un jour, mais quand... Enfin, il faut vraiment repasser tous les rushs et... Puis je sais situer pas le contexte si quelqu'un à chaque fois, de faire ça, être... quoi. Voilà. Oui, non, ça risque d'être compliqué. Peut-être un jour quand je me sentirai très, très motivé. Mais vraiment. Parce que je vous dis qu'il y a vraiment mais des heures et des heures. Ouais. Hein, mais voilà. Vous prévoirez la semaine pour l'écouter, du coup. C'est ça. donc, on va rappeler rapidement où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Donc, pour toutes les émissions audio-vidéo et les critiques, c'est sur moviesnerd.net. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est moviesnerd tout court, et Twitter, c'est movies_nerd. Pour le podcast, alors, on a des soucis en ce moment sur PodCloud et iTunes. Les podcasts ne se mettent plus à jour. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train de voir ce qui se passe au niveau technique, mais c'est un peu compliqué. En attendant, si vous écoutez ça, c'est que vous l'avez téléchargé sur le site et que vous êtes quelqu'un qui sait y faire. Mais voilà, j'espère que ce sera réglé d'ici à ce que vous entendrez ce petit message. En tout cas, vous pouvez nous retrouver normalement et les anciennes émissions aussi sur PodCloud et iTunes et nous noter. Vous pouvez même nous noter et dire ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, vous êtes vraiment c'est de aussi merde. Bien qu'on sache. Vous pouvez dire ça, hein. c'est juste pour nous noter, mettez 5 étoiles et dites qu'on est des merdes, c'est pas grave. quand même pas, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que moi, vous pouvez me retrouver sur si ça vous intéresse sur Twitter, Sens Critique et Movies Nerd. Et top250.fr, c'est vrai que je le dis aussi. The Lexal, THELEXAL. Voilà, passons à Eddy. Sens Critique, Movies Nerd, Facebook, YouTube, Eastark. Parfait. Et sur Steam et aussi maintenant. Morgan. Ah oui, sur Steam. Ah oui, Planet Coaster. Planet Coaster, vous pouvez le retrouver jusqu'à 3h du matin. Non, non, quand même pas. Morgane. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. @CinéMorgane. CinéMorgane, CinéMorgane, donc Morgane Cinéman. Sur votre caster, @CinéManiac. Sur Facebook, Morgane Sheridan. Et maintenant sur PSN, sur PlayStation Network, vous pouvez m'ajouter pour jeter à votre copain sur la PlayStation. Donc c'est Mogo Sheridan, MOG2O tiré du bas Sheridan. Voilà. Voilà, donc t'as quel jeu pour que les gens peut-être jouent avec toi? J'ai Tekken 7 et je vais bientôt avoir Battlefront 2. Voilà, qui apparemment n'est pas terrible. Ouais, donc j'hésite encore un peu, mais je vais avoir plein de jeux bientôt. Je vais avoir bientôt le nouveau Call of Duty aussi. Ok. Là, je vais vous dire que on va buter des nazis. Ouais, voilà. C'est avec les parce qu'en fait, Morgan tue Hitler dans ses rêves depuis qu'il a 5 ans. Oh, arrête, j'ai revu la vidéo hier, j'étais mort de rire. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, je tue Hitler. Ah ouais, mais oh, elle est sérieuse cette meuf. Putain. Bref. On parle de Mélanie Laurent, hein, bien sûr. Ah, voilà. D'accord, je j'ai pas suivi pas l'affaire, la c'est pas grave. Je pense que je ne perds pas au change. Tout en humilité, telle qu'on la connaît. Je ne perds pas au change. Et moi, vous pouvez me retrouver pas sur la Switch parce qu'il n'y a pas encore de service online, voilà. Mais j'ai une Switch, point. Puisque tout le monde disait un truc par rapport aux jeux vidéo, il fallait que je le dise. Et Zelda, c'est trop bien. Achetez-le, jouez, c'est trop bien. PS4, c'est trop bien. Et Steam, c'est trop bien. Voilà, je crois qu'on est à peu près Sting. Tout dit. Ouais, ça dépend quelle chanson. Mais je crois qu'on va arrêter parce que c'est un peu. Je crois que les gens vont en avoir marre de nous écouter. Mais Tari, je sais pourquoi Tari, t'as compris. Merci à vous deux et à Adrien aussi d'avoir participé. Merci à vous tous. Franchement, si vous êtes encore là, vous êtes vraiment les derniers guerriers. Vous avez notre respect infini. Parce que nous vous avez quand même tenu, une reconnaissance éternelle. C'est ça, exactement. merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve dans un mois à peu près, soit pour un podcast de décembre, soit pour le podcast directement hors série. On ne sait pas encore. C'est soit si on est fainéant, soit si on sent qu'on va faire beaucoup de travail. ça dépendra de nous et de notre emploi du temps. Mais d'ici là, voilà, on se retrouve le mois prochain. Ciao. Ciao. Salut.